Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Sacha Bourque, 70%. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Écoute, j'en ai des frissons. Non, je peux faire quelque chose d'autre. Non, pour... C'était pour te dérouiller, celui-là. Ouais, exactement. Let's go, on en prend un autre. Hey, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sacha Bourque. Il me fait plaisir d'être ici à douteux.org à l'émission 70%. Hey, hey! Dis au monde, j'aimerais une très sincère et pleine d'émotions, main d'applaudissements pour notre équipe technique. Sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Vraiment. Vraiment. Alex, merci. Monsieur Mallette, les deux, Olivier. Alex, il est là-dessus, ça fait depuis quoi? 2 heures cet après-midi. C'est un capoté. C'est un capoté. Si je pouvais, je te sucerais, Alex. C'est un bon choix de verbe parce qu'il est en couple. Bon. Donc, à partir de maintenant, mon nom est Tommy et je serai votre hôte pour cette soirée qui sera mise en couleur grâce aux talents et aux efforts de Mme Constance Harvey ici, de Constance Harvey Publication Limited. Oui, merci beaucoup. Allez voir sa page Facebook. On a aussi les doigts mélodieux de Marianne qui vont être accompagnés de ceux de Jeff Cardinal pour nous faire le house band de la soirée. On les remercie beaucoup, oui. Soirée qui va être terminée par un... Je pense que je vais le dire, hein? Olivier qui nous a amené un set de VJ, un petit premier. Ça va être après le long-métrage, parce que le long-métrage qui va couronner la soirée, c'est Suspense en prolongation. C'est non seulement le chant du cygne de la carrière de Jean-Claude Van Damme au cinéma, mais c'est aussi la dernière heure de gloire du Mellon Arena de Pittsburgh qu'ils ont détruit juste après, puis ils sont allés dans un nouveau... C'est pour ça qu'ils l'ont fait exploser dans le film. T'sais. Et donc, ce long métrage va être précédé, vous l'avez sûrement lu sur les internets, c'est un spécial hockey avec des musclés, ça prend des costauds pour jouer au hockey. Mais bon, le spécial hockey sera mis en VJ par Éric Bélanger et sa clique, on est très content de l'avoir avec nous. Juste avant, on va avoir une performance... J'hésite encore si c'est un trait de génie ou le pire cauchemar que j'ai vu en longtemps. On va voir les costauds live pour la première fois devant des êtres humains qui sont supposés avoir la capacité de raisonner. On va donc faire face au Moby Dick, tout le monde ensemble. Et puis, ben, on va avoir 70% avec les susmentionnés costauds en invité. Et voilà, pour commencer la soirée, d'habitude, je dis un nom d'humoriste, mais à la place, je vais dire merci à moi. Ouais, let's go, Emmanuel. Oh oui, en manchette ce soir, un castor colérique, des serpents lubriques, du yoga satanique et un message d'intérêt public concernant les avocats. Vos chroniqueurs à 70% sont Jonathan Simon, Étienne Lapointe, Richard Z. Sirois, Octave Savoie-Lortie, Moustapha Chablis, Florence Payette et Mathieu Boudreau. Et nos invités, les merveilleux costauds! Ça fait que c'est le temps de ravaler ton glavio puis d'écouter 70%! Ça a commencé il y a plus de 9 ans, le nez collé devant l'écran. Un grand enfant ne pouvant s'empêcher de partager des questions insondées et de fonder ce qui doit se fêter. Douteux, douteux.org, 70% et toujours tous ses dents. Toute beauté. Merci, Marianne. Bravo. Non, non, non, non. Vraiment, vraiment. Bonsoir, tout le monde. Ça va être une émission quand même assez loadée en musique ce soir. On salue les gens qui nous regardent en ligne. Et encore une fois, je remercie le travail de nos techniciens. Fer de lance Alexandre Larocque, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Donc, ceux qui nous écoutent en ligne, s'il vous plaît, une petite pensée pour le monsieur avec trop de cheveux. Voilà. Sinon, ben, bienvenue à 70%, une autre grosse semaine chargée. Ah oui. Moi, j'ai ressorti mon Binding of Isaac. Pour vrai? Ah oui, c'est débile, ce jeu-là. T'avais c'est... pas encore assez lancé de larmes sur des bébés mal formés. Sur des métaphores de ragoûtants, c'est quel incroyable. Jeu, hein? T'as-tu joué avec l'expansion Afterbirth? Je pense que c'est celle-là que j'ai. Avec le greed mode et tout ça, là? Ah non, j'ai pas ça. Ben, mais je l'ai-tu à la Wii U, tu vas me dire que ça, non. Je sais pas. C'est pas tant crise. Nintendo, tu sais. C'est ça. Et puis sinon, ben, on était supposé ce soir, avant de se lancer dans le... Ils sont impressionnants. Vous parlez avant tellement bien. Dans ça, ce soir, j'ai proposé un film que le singe faisait un montage d'équipement, apprenait à jouer au hockey, gagnait avec les gentils à 3 secondes de la finale, et vous avez préféré Jean-Claude Van Damme, en tout cas. Le monde, hein? On se comprend pas, public. Il y a vraiment comme quelque chose entre moi et vous. Mais on va essayer de combler ça ce soir. On a des invités et tout le reste, hein, je pense que c'est ça. On a des mesdames invités, et messieurs, oui. Je pense qu'on peut les applaudir. On va accueillir les éléphants dans la pièce. S'il vous plaît, les costauds, oui. Oh là là! Bonsoir, les copains! Bonsoir, les copains! C'est la fête, hein? C'est la fête au village! Oh là là là! Oh, ça chauffe! Oh là là là là! La grosse merguez, hein, mon petit Eric? Oh, ça brûle, hein? Oh oui, hein? Donc, c'est Eric et qui, donc? Framboisier. Framboisier. Framboisier, oui. Allô, allô! Comme le fruit, la framboise. Framboisier. OK, c'est bon. Il aime les femmes, hein? Ah, moi, j'aime les filles, hein, les petits gars. Et les filles. Et les petits gars. Non, seulement les filles. Seulement les filles. Pas les petits gars. On touche pas à ça, les petits gars. Non. Oh là là là là. Oh là là. C'est pas pire. Moi, j'aime les merguez, hein. Moi, j'aime les filles. Il aime les merguez. Mais c'est pas les petits garçons, hein. On parle du fruit. Le fruit. La merguez. Elle est où la merguez, hein? On a la merguez ici, là. C'est une vraie, ça? Je peux la merguez. Ça c'est merguez Y-grade. La fameuse merguez Y-grade. Quand elle est chaude, hein, dedans la bouche, mioum, mioum, mioum, mioum. Elle est chaude, elle est sur le comptoir depuis tout à l'heure. Hein. Oh là là là là. Oh, ça chauffe les petites soucis. Puis sinon, ouais. Tu en mets plusieurs dans ta bouche et mioum, mioum, mioum. Calme, donc, le projet Les Costauds, je sais de quel esprit malade c'est sorti. J'étais comme pas prêt mentalement à ce que ça prenne une telle ampleur. Parce que là, 3 mois, c'était juste comme un potentiel cauchemar qui n'avait pas encore été exploré. Mais là, on a les deux pieds drette dedans. Là. Oui, exactement. Ça vient d'où, cette pulsion malsaine-là? Alors, tu connais le groupe Les Musclés? Oui. Eh bien, oui, Simon m'en a parlé pas mal de ça. Ah ouais, Tiens, désolé, hein, je suis pas habitué. Hein, mais non, c'est sûr. Je suis dans le band. Ouais. Dans le band. Salut. Ouais, écoute, ça a commencé à cause des musclés. Et puis on s'est mis à écouter les musclés. On s'est dit, le Québec ne connaît pas les musclés. Alors il faut faire connaître les musclés au Québec. Oh là là. Et les musclés, les costauds, hein, c'est la même chose. Hein. Non, on est cousins. Hein. C'était comme une mission, finalement. Vous vous êtes senti imbu d'une mission. Hein. C'est une mission. Ouais, OK. C'est une mission. J'aime ça. Puis d'ailleurs, hein. Simon a très bien commencé. Non, j'irai pas là-dedans. Je sais pas c'est qui, Simon. Hein. Je connais Framboisier, je connais les musclés, De qui tu parles, là? Ben, c'est ça, tu pourras pas parler pour Simon, fait que je te poserai pas de questions, Framboisier. Sinon, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui joue à Magic? Mais ça, ce serait votre genre, Et j'ai joué à Petite Magic. Monsieur Rémi. Monsieur Rémi. Mais lui, c'est un petit peu triché. En tout cas, merci de jouer à Magic. Ouais, c'est ça. Donc, merci d'être à 70%. Je sais que vous avez beaucoup à chanter tantôt. Et il y a d'autres membres du band qui vont venir tranquillement, pas vite, prendre la place et faire circuler la magie, hein, on pourrait dire. Oui, on est 5. Hein, on peut les nommer. On peut les nommer. J'ai jamais vu autant de gens pluggés sur cette scène. Petit Minet là-bas, le petit Bernard Minet. Il est très petit. Hein. Il est avec sa Valériane. Elle l'a laissé sortir pour ce soir. Elle lui donne des baffes. Il se fait battre par sa femme, le petit Minet. Il est tellement petit qu'il fait l'amour avec ses orteils, hein. C'est lui mon préféré, moi, en tout cas. Ici, on a le petit Rémi qui fait la basse. Le petit Rémi à la basse. Oh là là! Et on a aussi Papy René aux batteries. On salue, la percussion. Papy René, oui. Fait qu'on va les voir tantôt dans le show. Merci, messieurs. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. vous avez un micro et vous pouvez comme continuer à... C'est-tu de l'appropriation culturelle d'imiter l'accent français comme ça? Y a-tu quelque chose? Non, on a des Français dans le groupe. Il va falloir aller checker. Ouais, il y a des Français dans le groupe, hein? C'est correct. Hein? On leur donne, c'est bon. On me dit, on avance là-dessus. Ouais! S'il te plaît, Marianne, amène-nous vers le premier chroniqueur. Merci, merci Marianne. Marianne, tantôt, elle m'a demandé, parce qu'il y avait quelqu'un qui remplaçait Bruno, puis elle m'a demandé, Manu, comment je t'appelle? Ben, Manu. Ah, j'avoue, hein? Est-ce que je peux te poser une question? c'est pas pire, j'avoue. Alors, on y va, on plonge là-dedans. Les villageois de Blainport-Porte, dans le comté de Céré-des-Guyonne, vous excuserez mon gallois un peu boiteux, là, au pays de Galles, appellent au boycott de l'église de Saint-David à la suite d'une décision controversée de celle-ci. En effet, le conseil paroissial de l'église a décidé de proscrire le yoga des activités permises dans ses installations, prétextant, comme pour d'autres activités telles le tai chi, le taekwondo et le bingo, que le yoga entrait en conflit avec les valeurs et les croyances chrétiennes. L'église qui devient de plus en plus un centre communautaire, hein, on s'entend, tient à garder sa vocation chrétienne et selon les autorités ecclésiastiques, il vous restera toujours le pilates pour vous mettre en forme. OK, le pilates, c'est correct, pilates, c'est mais le yoga, ça marche pas. Ben, c'est parce que c'est pas de l'appropriation culturelle. Hein, ah, ben oui, ben c'est un terme vraiment important. Oui, j'aime voilà. Ça comment tu dis « oh là là ». Oh là là! Il vient de Marseille, hein! Il vient de Marseille. Ça prendra... Oui, ben oui. Il est accro au loto, hein! Il joue toujours au loto. Oh, hein. loto, tout le temps. Oh oui! Je n'apprendrai rien aux herpétologues amateurs en disant que la période de rut bat son plein jusqu'à la fin du mois de mai chez les couleuvres rayées. Hein? Pour ceux qui ne sont pas herpétologues amateurs, je vous l'apprendrai. Alors, au moment où on se parle, plus de 3000 visiteurs par jour se dirigent vers l'antre à serpents de Narcisse à un peu plus d'une heure au nord de Winnipeg, au Manitoba, pour assister à l'accouplement frénétique de centaines de serpents. Aussi appelé serpent jarretière, ces couleuvres se lovent en un tas de corps indistincts. L'urgence de la reproduction étant si intense que les petits mâles meurent bien souvent suffoqués sous la pile de reptiles. En 2015, un groupe de chercheurs a évalué que le serpent moyen perdait 18% de son énergie quotidienne à chaque fois qu'il éjaculait. Pas de grosses nouvelles ici, mais je voulais juste un prétexte pour parler de viendus de couleuvres en nombre. Merci. C'est fait. Je pense que j'ai vu un documentaire en plus récemment sur ces tas de couleuvres-là qui se frottent. Oui, mais c'est en ce moment, là, c'est là que ça se passe. C'est fin avril à fin mai. C'est comme des merguez, mais ils se sont vivantes. Exactement comme des merguez. Il y a des mâles qui ont appris à imiter les phéromones féminins, comme ça, les mâles qui ont réchauffé avant vont se frotter sur les mâles qui émettent le phéromone. Genre, ils ont des drags, couleuvres. Ah, ben c'est astucieux. Ben oui. Ça rappelle les tournées en Allemagne. Hein? Toujours au Canada, tiens, les forces constabulaires de Barrie, en Ontario, déclarent que leurs officiers ont dû évacuer un castor en colère qui retardait le trafic au nord de Toronto. Il est sorti de son char, il a engueulé tout le monde. Les policiers ont répondu à un appel autour de 21h30 vendredi dernier et ont eu recours à des bâtons pour chasser l'animal de la route, l'animal peu coopératif. Ils déclarent que le castor est ensuite revenu, causant à nouveau un arrêt du trafic. Ils ont donc fait appel au contrôle de la faune pour capturer le rongeur qui avait visiblement une dent contre eux. Il est vraiment balèze. Ils l'ont ensuite relâché dans la nature, probablement loin de toute civilisation automobile. Les forces de l'ordre déclarent que les routes sont à nouveau sécuritaires. Ben oui, mais on l'a rappelé souvent, 70% aussi. À part l'être humain, le castor est l'animal qui a le plus d'incidence sur son environnement. Et encore une fois, il a bloqué l'autoroute. Ben oui. Ben oui, comme un père qui n'a pas son enfant les fins de semaine, genre. Ça ramène de loin, celle-là. Hein? C'est, Ça de même. Comme Manuel. Allô? Ben sinon, t'as fini ton premier bloc? Ça va être ça pour cette fois-ci. Merci beaucoup, Brune-Emmanuel. Brune-Emmanuel. Brune-Emmanuel. Brune-Emmanuel. On a la paix. Ah oui, on passe au prochain. des vieilles pubs un peu quétaines, de la nostalgie comme on l'aime. Si elle te manque autant du grand petit écran, demande à Jonathan, il connaît la chanson. C'est Jonathan Simon, niveau 20 de la télévision. Hey, merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, allô? Hey, c'est vraiment beau, t'es tourne à soi. J'aime ça, je me sens touché. J'aimerais ça être c'est un chroniqueur pour avoir Tommy. Ma toune, moi aussi. Ben oui, c'est cool. Ben toi, t'avais l'intro, mettons. Let's go, ouais, c'est ça. Ben, no. Let's go, John. Hey, c'est le fun, je me sens comme au club Dorothée. Hein, c'est... Oh là là! Oh là là! Tiens, je t'ai prête. Merci. Ça va bien, tout le monde? J'entends. Non, oui. Non, excuse, j'étais pour dire, j'entends rien, mais on s'en crée ça. On va t'sais. Passer à autre chose. OK. ben dans le fond, cette semaine, je me suis rendu compte que ce qui se passe dans les publicités, ben c'est pas pareil comme dans vraie vie. Puis ce soir, je vous avais une liste de trucs qui arriveraient si la vie était une publicité. Donc ça promet. Premièrement, si on vivait dans une publicité, il y aurait un gros problème de propreté dans les maisons parce que tout le monde laverait la moitié de leur maison avec un produit de la marque concurrente. Si on vivait dans une publicité, ce serait les bébés qui auraient la responsabilité d'acheter les couches. Là, je parle des bébés, les poupons, là, pas le groupe. parce que les annonces de couches, ça s'adresse directement aux bébés. Puis on aurait des grosses difficultés à trouver un pédiatre. Ben ça, dans le fond, c'est pas trop différent dans la vraie vie. Là. Parce que tous les pédiatres québécois travailleraient en Californie ou au Wyoming. T'sais, le docteur Julie Tremblay, pédiatre en Californie, vous parle de la couche Pampers. Si on vivait dans une publicité, Jean-Marc Parent serait pas un humoriste, ce serait un danger public qui attache jamais sa ceinture en char. Puis c'est qui joke. Fait juste fantasmer sur des 12 pouces aussi. Là. Ouais, dans c'est le parc. Ouais. Ouais, c'est louche. comme Joël Legendre. Il est allé là. Tout le monde le pensait. J'ai juste dit ce que tout le monde pensait. Si on vivait dans une publicité, les gens danseraient dans les rues à cause du Viagra, mais il y a personne qui saurait pourquoi ils dansent parce qu'ils nous expliquent pas c'est quoi du Viagra dans les pubs. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Soit ils tu nommes le médicament. Ils nous disent juste aller voir notre médecin. Au Canada, tu peux soit parler des effets du médicament sans montrer ou le nommer, ou soit le nommer sans montrer les effets. Fait que tu peux faire comme « Notre produit aide à augmenter la qualité de l'érection, mais on vous dit pas c'est quoi. » C'est ça. Parlez-en à votre médecin. Non, en fait, il faut surtout pas dire que ça règle le problème. Ça aide à. Ça aide à, OK. Asti que c'est bon, j'ai envie d'en acheter. si on vivait dans la publicité, tous les diabétiques occuperaient ou seraient en voie d'occuper des emplois à plus de 100 000 $ par année. C'est vrai parce que toutes les annonces de glucomètre nous montrent toujours des gens très dynamiques. Tu sais, par exemple, « Bonjour, j'occupe le métier d'architecte et je vis avec le diabète. J'étudie en administration et je vis avec le diabète. Je travaille à temps plein en tant que Ginette Renault et je vis avec le diabète. » Oui, Ginette Renault, c'est un métier à plus de 100 000 $ par année. C'est aussi une lourde responsabilité. Ah ben oui. Il y a deux affaires dans la vie, en fait, qui ont l'air beaucoup plus le fun dans la publicité que dans la vraie vie. C'est être diabétique puis être menstruée. Parce que c'est vrai que les filles qui parlent de menstruation dans les publicités ont toujours l'air rayonnantes puis font des activités vraiment le fun. C'est plus le fun d'être menstruée qu'être au Club Med, c'est vrai. C'est vrai. Club Dorothée. Ben ouais, le Club Dorothée. Si on vivait dans la publicité, il y aurait environ 33% de la population qui ressemblerait soit à Benoît Brière, soit à Claude Meunier, soit à Bernard Fortin. Si on vivait dans la publicité, Yves Corbeil serait un dieu incontesté. Il y aurait une religion qui vénérerait le grand Yves Corbeil. Il n'y aurait pas un crucifix devant les églises, mais une statue d'Yves Corbeil à côté de son boulier qui sort un 6 avec une petite barre en dessous. Puis au lieu de manger des hosties pendant la communion, on prendrait des cuillerées de margarine Fleischmann. Ce qui serait bon pour le cholestérol et tous ces trucs-là. Tu remontes assez loin, hein? C'est... J'aime ça. Hey, ma chronique aurait été full bonne en 90. C'est clair, hein? Mais on aurait tort de faire ça, de vouer un culte à Yves Corbeil, parce que Yves Corbeil a un triste record, celui du gars qui a été le porte-parole du plus de magasins disparus. On parle de Granada, de Woolco et des magasins M. Fait que Corbeil achète. Ça se peut qu'il y ait le regard pour vrai, hein? Ouais, ça, il y a des bonnes chances. C'est rare que c'est le magasin qui survit. Ah non, peut-être pas tant que ça. Je voulais juste parler du fait que Paul Buisson, il est mort 6 mois après être devenu la mascotte de la place qui vend des burgers pis des frites. Ça, c'est vrai. C'est un petit peu drôle. Ils ont peut-être mal choisi. Mais ramène-nous dans tes affaires. Oui. Si on vivait dans une publicité après avoir suivi un programme d'amaigrissement, non seulement on perdrait du poids, mais on deviendrait complètement une autre personne. Ce qui va de soi. Si on vivait dans la publicité, les réunions de famille seraient un excellent prétexte pour parler de testament et de préarrangement. Moi, personnellement, si quelqu'un de ma famille s'intéresse beaucoup trop de savoir si j'ai fait un testament, je prends pas de chance, j'appelle la police pour la protection. Finalement, si on vivait dans la publicité, toutes les déjections rejetées par l'être humain seraient de couleur bleue. Je nomme par exemple l'urine, les menstruations et Vosy, le bonhomme bleu du gouvernement. Ah! Tout le monde se rappelle de Vosy, le bonhomme bleu du gouvernement, qui nous poussait à adopter des saines habitudes de vie. Christ, qui nous énervait. Je pense que si dans la vie je fais aussi peu d'exercice puis que je mange autant de fast-food, c'est inconsciemment pour faire chier ce style-là. Il y en a qui le savent pas, et ça c'est une primeur, que Vosy, c'est le bébé caché que le clown de métro et que Tintinabule ont eu ensemble. Donc, ça donne une idée à quel point qu'il tape ses nerfs. Alors, c'était ma primeur, parce que moi, je suis connecté avec les personnages publicitaires, ils me parlent souvent. Et... Ben, j'ai bien aimé aussi ton fait que Yves Corbeil avait 3 marques qui avaient déjà été la mascotte et qui ne fonctionnent plus maintenant. Ils ont disparu à peu près en même temps, en plus. Ah ouais, hein? Ouais. Dark years for 2-3 années. Ouais. Ben, le début des années 90 a été rough pour les entreprises. Et pour Yves Corbeil. Ben, merci beaucoup. C'est ça, va-t'en. Ouais. Merci, Jonathan Simon, mesdames, messieurs. Et là-dessus, je me tourne et je vois 2 autres costauds. On peut-tu dire les champions, c'est-tu dans les champions costauds? Est-ce qu'il y en a des meilleurs costauds que d'autres à l'intérieur? Ouais, bah les plus gratinés, tu les as eu juste avant, en fait. OK. Et voilà. Parce qu'en fait, avec Simon, parce qu'en fait, on s'appelle... Enfin non, on s'appelle pas tous Simon. Moi, je suis censé être Rémi. Et lui, c'est censé être Papy René. Mais le truc, c'est que mes parents m'ont interdit quand j'étais petit de regarder tout TF1. Et quand j'étais petit, ils m'ont dit « Tu regardes pas le Club Dorothée ou rien. » Donc... Quand je me pointe, qu'on me propose d'être dans un band de costaud, enfin des reprises des musclés. TF1 en particulier. Ouais, pas TF1 parce qu'il y avait le Disney Club le dimanche matin, puis qui précédait le Club Dorothée. Puis au moment où ça arrivait sur le Club Dorothée, dès qu'il y avait le jingle, Club Dorothée, ta-da-da-da-da-da. Pourquoi? Ben parce que. Ben regarde. Parce que je sais pas si tu sais, mais bah, Disney, ça sert à brainwasher les jeunes aussi, là. Ouais, mais c'est plus cool, Picsou, mec. Oh là là. Oh là là, putain. Tu veux rester dans le band ou... Ben non, mais... C'est bizarre, c'est une des premières fois que tu nous parles de ton passé. En 3 ans. Jeune Rémi. 3 ans là, ici, ouais. Ouais. Non, mais parce que là, samedi, ça faisait exactement 4 ans que j'étais au Québec. Puis merci beaucoup, j'ai beaucoup enduré. J'ai payé beaucoup aussi votre... Je vais bien engraisser vos politiciens, puis... non, mais les trucs... Sinon, à quoi qu'ils serviraient? Bah oui, sans déconner. Non, mais le truc, c'est que si on arrivait en 2013, je m'étais dit que 4 ans après, je me retrouvais dans un band de cover des musclés. Ah ouais, c'était pas le plan de match. Mais c'est cool. C'est cool. Ouais. Et tu te plaignais que c'était pas très bien, mais à la fois, j'ai envie de m'excuser, mais de dire bien fait pour vous. Parce que ça, la France, ça vient avec les musclés. Est-ce que je suis tes parents quand tu dis ça, genre? Non. Non? Ah non, ça non, non, non, mes parents m'ont déjà... Bien fait pour vous, vous essayez de m'enlever ça, et là, je suis maintenant non, non, dans j'ai... le band. Non, non, lors d'un Skype avec mes parents, j'ai... On les salue. J'ai dit, je leur ai dit, papa, maman, je joue dans un groupe de reprise des musclés. On reprend Bioman. Je suis au lit du Zodiac. Et ils m'ont dit, bah ça valait le coup qu'on t'interdise de regarder Dorothée, toi, petit con. Bam. Voilà. J'ai pas parlé à mes parents pendant une semaine. Là, ça va mieux. Là, on... Ça va mieux, c'est bon. Ça va beaucoup mieux. Mais toi aussi, ils appelaient ça les japonaiseries? Non. Ah, ben, la primeur du jeu de mots. On parle à ton collègue. C'est quoi ton nom, là? Le papy... C'est papy René. Papy René, oui. C'est toi, les percussions. Oui, voilà, les tam-tams, les bambous. Ben oui. C'est numéro 1. Est-ce que tu joues à Magic, toi? Non. Est-ce que tu crois aux fantômes? Je suis un peu vieux, mais... C'est mieux de dire oui, parce qu'on n'aura pas grand-chose à se dire. C'est Magic, ouais, les fantômes. Ouais. Mais okay. Je suis bientôt un fantôme, aussi. Ah, ouais. viendrait te hanter toute la nuit, Tony. Oh merde. Au début, j'avais des doutes, puis voilà, je me dis, oh, c'est cool. Tu vois, ils sont encore plus modernes que vous, les Français. Ben oui, parce que, tu vois, je ne sais plus lequel t'es. Eric. J'entraînais Eric à parler mieux le sud de la France. Puis, Ah, t'as perdu le contrôle. Oh, ben, non, mais il s'en sort très bien, mais je lui donne des conseils. Je veux qu'il y arrive. Je pense qu'il est presque 40. Parce que les musclés, ça durait 20 ans. J'aimerais ça que les costauds, ça dure 20 ans. Parce qu'il y a du poignet. Parce qu'il y a du pognon à se faire. Oui, ben oui. Sur 5 musclés, il en reste plus que 3. Ouais. Et Bernard Minès, il sait qu'il y a un band de cover des musclés qui vient ici au Francofolie l'année prochaine. T'inquiète, mon pote. Ça serait... J'ai un petit peu de frisson bizarre dans le dos. Hein. Je vous souhaite juste du succès. Hein. Bah, 20 ans, je sais pas, 20 minutes déjà, on fera ça? Ouais, 20 minutes. Voilà. Hein. Papy René apprend des affaires sur son propre banc. Là-dessus, ben, on va passer au prochain chroniqueur, s'il vous plaît. 2, 3. Étienne, on n'est jamais sûr de ce que sera la tournure de ces histoires en courte pointe. C'est Étienne la pointe. Oh là là là là là là là là! Oh là là! Elle a fait un gâchis! Oh là là! Oh, je vais... Oh là là, je vais appeler mon avocat, moi! Et voilà, Étienne qui fait sa marque en arrivant sur le stage. Ça va, mec? J'ai gaspillé du bon alcool, Tommy! Ben oui. Mais on est vraiment jump-pack à soir. Il fait chaud, parle-moi! Ça... Marianne. C'est bon, il y a du rythme. Tu me fais-tu un petit beat comme d'habitude? Ah, yes, je peux te faire ça. Je m'enligne. Hey, t'as crissé ma bière à terre, man. Ouais. Hey, je t'en paye un autre puis un shooter. Je regarde mon syndicat, là, puis je suis pas sûr si je vais te faire une toune, là. Son syndicat, c'est les toutous. Mais regarde, je vais faire quelque chose avec toi. Fais la toune, fais le grief, puis tu seras payé en double. Je m'excuse, mon petit Étienne, est-ce que c'est les mystérieuses cités d'or sur ton chandail? Non, c'est la cité de l'or. Ah! Val d'or. Ah! Il y avait ça dans le club Dorothée, les mystérieuses cités d'or. À Val d'or. Ta gueule, esti. Oh là là là là là là là là! Le. Vas-y, Étienne. Le gobelin Jérémy. De tous les gobelins, c'était le moins con. Il avait de grandes aspirations. Celle d'accéder au Panthéon. Humains, elfins et autres races avaient tous un dieu issu de leur populace. Les gobelins qui abordent la culture avait été laissé de côté. C'était là un coup dur, prisonnier dans une vaste vallée. Il la détestait, tout ce qu'il voulait. Les nains voulaient tous les oxyres, intégrer une hache dans leur carotide. Mais leur dieu interdisait toute forme de génocide. Gobelin champion s'était mis à rire. Y'a rien que moi et Jérémy ne peut voler, pas même l'essence de divinité. Pour cela, il avait fomenté un festin pour défier les déités. Plus d'égrôles que dans un buffet à volonté. Assez de spécial B pour noyer les douteux. Une montagne d'escargots des plus caillou-chouteux. Une chine muffins aux bananes, dans lesquelles il y avait beaucoup trop de pacanes. Bref, toute la pouffe qu'il pouvait attabler, et ensuite les dieux, il a summoné. Voyez mon festin, je parie qu'un seul de vous ne pourra pas en voir la fin. Reconnaissez que je suis le plus puissant et faites de moi le dieu des gobelins! Les dieux incrédules le félicitèrent. Amasser toute cette bouffe, c'était impressionnant. Il se demandait bien qui défierait le banquet du manant. Le dieu Hobbit se fit rassurant et en rotant leur dit « Cette collation, j'en fais mot, une affaire. » Rassurer les dieux, c'est ce que l'affaire, car l'estomac de Hobbit n'avait pas de fond. Et de la réussite de leurs compagnons, aucun soupçon. Au fur et à mesure que la nourriture fut engloutie, le gobelin blêmit. Sa confiance s'effrita. Avant la fin, il empoigna un pichet de bière et déclara « Dieu des Hobbits, je m'incline et je vois ton succès. » Mais celui-ci n'était pas idiot. Et avant que Jérémy n'en prenne une gorgée, il lui dit « Si t'avales mon pichet, c'est pas réglo. » Il lui arracha la spéciale B des mains et il la cala. C'est alors que le gobelin péta. Le dieu au bruit soucre nu s'esclava, s'étouffa dans son régurgie et mort, il perdit son pari. Oh non. Il y a une morale à cette histoire. Ne doutez jamais des rêves des petits Jérémy, mais oh, juste dans les univers de médiéval fantasy. Merci Étienne, merci Marianne. Oh, je pense que ça nous amène avec... de toute beauté. Ça nous amène avec deux nouveaux costumes. Déjà venu. Je vais être framboisier. On a une petite rotation. Et toi, t'es Bernard Minet. Bernard Minet. T'as gagné à la loterie, genre, ou... Quelle loterie? Ben, tout le monde voulait être Bernard Minet. Ben non, moi, je voulais être Papy René. Pauvre Bernard, ouais, je comprends. Le pauvre Bernard, il est trop petit pour moi. Ouais. Et puis, ben, parle-moi, là, je sais pas quoi dire. Alors, vous savez, vous connaissez tous Bioman. Ouais. Tout le monde aime Bioman. À travers le monde entier. À travers le monde entier. Oh là là là, tout le monde connaît Bioman, non? Oh, en fait, nous, en Amérique du Nord, je sais pas si t'es au courant, mais si vous êtes au courant, mais nous, au Québec, on avait les Power Rangers. Et Bioman, en fait, c'était toutes les séquences de combat, c'était les mêmes. Ils ont juste changé les bouts que le monde parlait pour de quoi de moins japonais. Oh, vous êtes des imposteurs. Ce sont tous des ratés. C'est tous des imposteurs, les Québécois. Des connards. C'est de la fraude. Des vrais connards. Des fraudeurs. Oh, le Québec. On touche pas aux Japonais. Exactement. En plus, je n'ai rien compris de ce que l'autre Québécois est venu dire sur scène. J'ai seulement compris gobelin. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai compris Jérémy. Ah, Jérémy, c'est qui? C'est qui le petit Jérémy? On connaît pas le petit Jérémy, nous. À chaque peuple, c'est héros, hein. Nous, on avait Ségolène Royal, hein. Ouais. Et voilà. Une héroïne pour la France. Et là, c'est nous supprimer. J'ai la connasse aussi, là. Comment? Ah ouais, vous, toi, personnellement. Les musclés. Les costauds! Les costauds! Ah, toi, c'est vraiment trop d'affaires! Elle nous aime pas, Ségolène! Elle veut nous éliminer! Ségolène a parlé aux costauds? Elle voulait éliminer les costauds de la télévision du Club Dorothée! Oh là là! Oh là là là là! Quelle chienne! Oh là là là là là là! Oh, espèce de salope! Oh! Bernard! Il a dit des gros mots, là! Oh non non! Bernard, on le reconnaît pas, hein! La soixantaine. Ouais. Oh, je suis tellement fatigué. Tout le monde veut Bioman. Et moi, je veux avoir ma nouvelle carrière solo. Mais tout le monde demande Bioman et Chevalier du Zodiac. Et moi, je veux juste me reposer. Goldorak. Ils les veulent tous. Mais moi, je suis passé à autre chose. As-tu déjà entendu la trame sonore de San Kukai? On dirait vraiment que c'est toi qui chante. Ah oui? C'est Eric Chardin. En tout cas, on va. Parce que vous savez, nous, les costauds. Tu me fais peur. On n'est pas n'importe quel groupe. Non. Les costauds, et voilà. Costaud, ouais. On va passer au prochain chroniqueur. On vous aime beaucoup. Wow. Une toune avec mon nom dedans. What? Ben là, écoute, on fait avec ce qu'on a. Hein. T'es tellement mystérieux. T'es comme la brume du matin. Hein. Avec c'est la un barbe. Beau garçon. Hein. Ouais. Mais écoute, je profite de l'occasion dans ce club pour me révéler à vous. J'ai vu que c'était la spéciale hockey. Oui. Et je saute jamais sur une occasion de me vanter. Et je suis venu vanter mes exploits athlétiques d'antan. Pas au hockey, certain. Tu fais au 5 et 6. Hockey, j'ai fait du hockey. Hop. Je suis champion du monde de hockey de plage. Oh là là! Oh là là! Le hockey! Et non seulement ça, mais le meilleur buteur de l'histoire des championnats du monde de hockey de plage. Ah ben! Oh. Et je suis gardien de but. L'autre équipe s'est pas présentée plusieurs fois. Je vais te raconter. Je t'explique l'histoire, Tommy. Je suis prêt. Alors, tout commence en 1976, dans les toilettes d'un Dairy Queen au Wyoming. Où une femme, une mère monoparentale polonaise pleure en écrivant une lettre à ses parents qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. On saute en 2013 dans l'aréna de Victoriaville. Le début, c'est juste l'enveloppe thématique, ça sert à rien. Il y a un monsieur qui vient me voir après un match. C'était un tournoi, en fait, de bénéfices pour les déjeuners. Juste les déjeuners, le concept de déjeuner. Pour aider le concept de déjeuner. Oui, ben, ils se font assez ramasser par les brunchs ces temps-ci, non? C'est innommable ce qu'ils leur font. Avec de l'alcool. Enfin, moi, ça me met à terre. Fait que j'étais au tournoi de bénéfices pour les déjeuners, puis je performe très bien en tant que gardien de but. Donc, il y a un monsieur qui vient me voir à la fin, puis qui fait « T'aimerais-tu être dans l'équipe canadienne de hockey sur plage? » Puis je fais « Est-ce que ça existe? » Il fait « Pas encore. » Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose en moi. T'as l'air d'un gardien qui serait meilleur si c'était plus lent. On me dit souvent ça dans la vie, en fait. Et un an plus tard, j'étais au Panama, au premier championnat du monde de hockey sur plage, Tommy. Les plages triomphantes du Panama, merci. Success story, ben oui. Avec les restes des boys de l'équipe canadienne. Eric, Dick, Paul, Dave, Mick, Steve, Raganash. C'est un joueur indien, il est quand même bon. Et puis on joue le premier match, on est l'équipe, comme on est le Canada, puis les gens sont impressionnés, on est l'équipe, on joue contre l'équipe haute, le Panama. Ben oui. Qui sont alignés une équipe. Et puis ça commence, puis je suis dans les buts, puis là t'as l'arbitre de la joute, un japonais, très strict, qui est très by the book. Monsieur Patsa ici. Merci. Et il dépose la rondelle, et puis là c'est du sable. Fait comme tout le monde, comme gosse sa rondelle, tu sais, puis comme il n'y a rien qui se passe. Puis ça dure comme 5 minutes, puis ils font juste un trou dans lequel la rondelle s'enfonce. Puis il y a un nuage de fumée, tu sais, puis les ailiers comme rentrent et essaient de pogner la rondelle, ça fait juste un plus gros trou. Puis après, comme une période, juste un énorme trou avec les 10 joueurs. Et puis le gardien du Panama et moi, puis on se regarde, puis on est comme... Allô? Allô, comme il se passe pas grand-chose. Et puis là, la terre se met à trembler, Tommy. Comme je sais pas ce qui se passe, tous les 100 000 spectateurs panaméens sont là puis qui sont comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi la terre tremble, et un jet de pétrole sort de la plage. What the fuck? On était sur un gisement de pétrole. Là tous les habitants du Panama dansent sous la pluie de pétrole, ils font l'or noir enfin, la richesse. Et c'est là que t'entres en jeu. Pas encore. Ok. C'est là que l'équipe américaine, qui était là aussi pour le tournoi, qui voit ça d'un œil intéressé. Débarque sur le terrain, puis juste crée ça une volée à toute l'équipe du Panama. Puis les spectateurs, puis tout. Puis ils s'emparent du pétrole. Puis pendant ce temps-là, les Canadiens font ce qu'ils font de mieux. Ils jouent au hockey, faire semblant qu'ils voient rien. C'est ça, regarder ailleurs en jouant au hockey. Et dans la confusion, j'ai marqué le but. Puis ça faisait longtemps, fait que c'était rendu en prolongation. Je sais pas raconter ça, mais c'était rendu en prolongation. Et j'ai marqué le but décisif qui a mis fin au match. Et comme maintenant le terrain de hockey sur plage avait été acheté par des intérêts américains et internationaux, ben ça a mis fin au tournoi. Et c'est comme ça que je suis devenu le meilleur marqueur de l'histoire des championnats du monde de hockey sur plage. Et le goaler qui a blanchi toutes ses games, si je t'ai compris. Oui, mais je suis une légende, en fait, au Panama pour ce qui en reste depuis le tournoi. Je suis le plus grand joueur de tous les temps. Fin du compte. Comment ça va les patins dans le sable? C'est des patins de sable, en fait. Okay. Exprès pour ça. Là. Oui, exprès pour ça, c'est de petits aspirateurs avec un truc qui se clique. Ça va super bien, mais ça coûte très cher. Les patins de sable, merci. Merci à vous. Tu es rendu au bout de ton aventure? Oh, mais je veux dire, jusqu'à ce qu'il y ait un autre championnat, oui. Oui, voilà. Mais Octave, mesdames et messieurs, ben oui. Ah, oh, c'était beau. Hein. C'était beau. Je sais comment faire partie. Ça marche. Ah, là, ça marche, là. Je sais comment faire partie le hockey, hein. Il doit faire peur à la jeune madame. Moi, tout ce que je connais du hockey, c'est que j'ai entendu parler du film Les Boys 2. Ils vont jouer en France contre les Français et ils nous battent. C'est tout ce que je sais du hockey, c'est ça. Toi, c'est vrai. OK, ouais, hein, y a quand même un travail d'éducation à faire qu'on fera pas là. La France fait quand même très bien au championnat du monde en ce moment. Ah ouais, hein? Ouais. Il y a des championnats quand t'es là, OK? Ben c'est en France, oui. Les Français sont très bons au hockey, oui. Trop de vin, hein? C'est la vinasse. Oh là là, oui. Et puis, sinon, au sein des costauds, est-ce qu'il y a un sport qui fait comme consensus? Le barbecue! Faire la merguez! Oh, c'est chaud! Oh là là là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Le lexique est vraiment testé, hein? Jouer au docteur avec la petite Dorothée aussi, hein? Oh oui, la nièce de framboisier! Oh là là! Où la nièce de framboisier? Oh là là! C'est bien foutu, hein? Oh là là, la petite extraterrestre bien foutue. Oh là là là là. C'est vraiment des blagues Wikipédia, j'adore ça. On est bien contents de vous avoir avec nous. On va passer au prochain chroniqueur, s'il te plaît. Salut, Moustapha. Salut, Tommy. Tu nous alakoum-tu à soir? Ouais. C'est quoi cette astuce de marde-là? Ah, il a trouvé les merguez. Ah, c'est nos merguez. Attends, T'es-tu vraiment en train de dire en arabe que ça, c'est des merguez? C'est ça que ça donne l'accouplement entre cousins? Calice. Oh là là là! Oh là là là! Ça brûlait! Oh là là! Vas-y, mon gars, on t'écoute. Salam alaikum, Québec. Ah, t'es vraiment habillé bad boy, hein? Pas de manches. Ouais, je sais, mais il faut. Tommy est pas. Pas Tommy. Toto, il est pas là. Non. Fait qu'il faut que. Faut que quelqu'un monte. Il représente le tank top. Fait qu'on te regarde. Ouais, ouais, je sais, il est donc bien poilu. On peut en revenir. C'est bon. Oh là là, le poil, hein? Oh! Oh là là là là! OK, est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? Let's go. Fait que... je vais te laisser respirer, c'est correct. Fait que récemment, on commémore, en fait, le 69e anniversaire de la NACBA. Oh. C'est quoi, ça? Non? Personne ne sait c'est quoi? Bon. NACBA? Le NACBA. Non, c'est l'exil des Palestiniens hors de la Palestine, essentiellement. Ah, OK, c'est la naissance du grand État israélien, genre. Dis encore grand État israélien devant moi, juste pour voir. Ben, il est trop tard, c'est tout en... non, mais c'est ça montre à quel point que c'est quand même un peu problématique parce que qu'on s'en rappelle pas. Parce que je me souviens, un certain temps, quand j'étais à l'époque marié, on fait tous des erreurs, c'est correct. 69! J'avais vu le film Octobre. Qui est très bon, en fait. Puis j'avais. Hein? Est-ce que je t'ai parlé? Il y a quelqu'un qui fait un thumbs up dans la foule, en tout cas. Okay, j'ai vu Octobre, puis c'est vraiment très bon. Puis j'avais fait le comparatif avec le combat palestinien et le Québec. Puis à l'époque, je trouvais que c'était assez approprié, mais là, je réalise que ça marche pas. On manque de mort, nous autres. Là. Il manque de mort. Il y a personne qui essaie de vous botter dehors. Ben, ce que j'en sache, là. Ça, c'est plus okay, les ça, Acadiens, ça... 200 ans. Les Acadiens, ça compte plus. Ça compte plus, les Acadiens. Bon. C'est un double standard, ça. Fait que, mettons que t'as pas dit ça, continue. Mettons que j'ai pas dit ça, puis que tout le monde m'aime encore. C'est correct. Ouais, un jour, là. Mais tu sais, on essaie de parler de beaucoup de certaines choses qui sont problématiques au Québec ces temps-ci. Je sais que je saute un peu de coq à l'âne, là, mais c'est parce que le monde achète des skidoux, puis ça sert pendant 2 semaines. Exact. Puis puis on essaie de parler particulièrement, surtout les immigrants, de racisme systémique. Puis ça, on dirait que ça choque le monde. Puis je comprends en quelque part, là, parce que personne ne veut se faire dire que vous êtes raciste, puis ça. Mais c'est pas que vous l'êtes, mais c'est qu'il y en a trop qui le sont. Fait qu'il faut comme dealer avec. Puis il y en a une couple qui se reconnaît, je pense. Mais je dis personne, je dis personne. Tu veux dire, tu penses qu'il y a comme deux racistes dans la place qui ont dit « Ah, oh, il est en train de parler de moi. » Oui. Non, je pense pas, je pense pas. Non, je peux te le confirmer. Ça marche. Je pense que quand t'as une twist de même... Non, je sais. C'est ça. Mais il faut que j'avoue, j'ai pas bien fini mon numéro parce que j'étais vraiment distrait par Dragon Ball Super. C'est bon, hein? Ouais! C'est vraiment sympa. Est-ce que quelqu'un qui regarde sur Dragon Ball Super? Ils ont sauvé la Terre parce qu'il y a de la bonne bouffe. T'as quoi? Ouais, c'est drôle, man. Beerus. Mais en tout cas, attends, pendant qu'on est là, Bernard, Bernie, Burn, c'est toi, t'as ruiné le thème de Goldorak. Ah! Ça m'a fait penser à... Ruiné, ouais, d'accord, hein? Ouais. Je comprends rien de ce que tu dis, hein? Ok, c'est correct. Okay. Aime-le, c'est petit bon. Décalin, hein? Oh là là! Il dit que je suis sortable. Non, mais tu sais, là, ça commence à être chiant, même, en quelque part. Juste écrire de l'humour politique ces temps-ci, parce que c'est rendu que les politiciens écrivent tout pour nous, à la place. Fait que j'ai plus rien à écrire, j'ai plus rien à dire, je peux même pas penser à un sujet quelconque. C'est comme c'est fait seul, là. Comme par exemple, Coderre, là, avec son... Rodéo pendant le 375e. Chris, ça marche pas! On est où, là? Bon, je sais. Vous voyez, cette réaction-là, ça marche plus, là. Il y a 10 ans, ça aurait été drôle. Mais là, ça marche pas. Non. Attends un peu, vous savez, t'as mis les yeux dans la graisse de mine. C'est quoi le rodéo? Tony Coderre voulait organiser un rodéo pour le 375e. Ah! Vous savez, on l'apprend des personnes? Oui. Puis, c'est même pas une blague. Vous voyez à quel point que c'est pas drôle? Ben, moi, ça me tente pas de voir ça, mais si il y a une demande aux Anglais. C'est éminemment montréalais, tu sais, un rodéo. Ça fait beaucoup de merguez pour plusieurs chevaux. Répète encore merguez, voir. Oh là là, le bide. On pourrait tous garder les merguez pour nous. Là, il va falloir les donner aux chevaux. Non, mais on continue, là, OK? Il y a aussi là, comme, d'autres mardes qui se font ça, mais même pas en politique nécessairement, comme Denis Lévesque. Là, avec, c'est ça, là? Oh là là! Oh là là! Oh là là! C'est du monde qui a acheté son album, ça. Il en faut. Il y en a qui aiment Éric Lapointe, apparemment. Allez, come on, là. Parle. Okay. Non, mais t'sais, ce gars-là, il invite du monde pour voir si l'inceste, c'est correct. Puis si on regarde, justement, les résultats de les musclés en ce moment, on voit que non, ça marche pas. Mais c'est une question sérieuse pour chez Denis Lévesque. Alternativement. Oh là là, oh là là. Oh là là! Non, mais. Allez, on parle de Dragon Ball. Là. Ouais, on va revenir, en tout cas. on a maintenant, comment ça s'appelle, Nadia El Mabrouk, qui est comme la nouvelle Jamila Ben Habib. Essentiellement quelqu'un qui sait rien de ce qu'elle parle, puis que tout le monde lui donne un micro pareil. Je comprends pas ça, là. C'est un concept qui existe encore. Ouais, en tout cas, t'as un micro, fais attention, là. Ouais, je sais. Je marche dans un piège que j'ai tendu moi-même. Ouais, c'est ça. Non, mais ensuite, il y a aussi Éric Duhaime. Ah, pas lui. Normalement, on le salue, gros fan de 70%. Ouais. Non, mais normalement, j'aurais rajouté une sorte de descriptif insultant, puis tout ça, mais je pense que Éric Duhaime, ça suffit assez comme c'est. À chaque pays, c'est héros. Exact. Tu sais, j'ai pas besoin de le comparer avec Benito Crafterdini, le président des États-Unis présent, là. T'as-tu dit Vladimir Poutine tout croche ou. J'ai rien compris. Regarde, tu peux dire n'importe quoi tant que ça sonne orange, c'est pas mal le même message. Bring it. Ouais. Ça sonne orange, j'aime ça. C'est à peu près là que je voulais te tirer à la fin. Je voulais arriver avec peut-être un message un peu plus, parce que tu sais, comme je dis, je suis pas capable de le finir mon numéro. Je voulais arriver avec quelque chose de plus inspirant comme message que juste comme oh, de la merde. Puis j'avoue que j'étais vraiment, vraiment trop distrait par Dragon Ball Super. Oh là là! Mais c'est très inspirant. C'est vraiment inspirant. Fait que je pense que j'ai pogné un speech. C'est ça. Ou deux, en fait. Le premier, puis excusez, pardonnez mon japonais, c'est. Ore wa Saiyajin no Uji Vegeta! Oh là. des fans du Japon dans la place. Des fans du Japon dans la place. Puis l'autre speech inspirant, puis je pense que tout le monde peut le reconnaître, tout le monde qui a regardé Dragon Ball à partir de Z et plus, répétez après moi si vous connaissez les paroles. Maintenant, refaites ça pendant une demi-heure. Pendant trois épisodes. Merci, Moustapha. Notre imam des valeurs québécoises. Et japonais. Très, très déçu. Hein? Il n'y a absolument pas eu de Alekoum Québec. Salam. Il l'a eu un peu, mais ça a été enterré par les... On est en train de le vivre. Rendu à ce moment-ci, en fait, on va laisser l'antenne à notre charmante Marianne qui va nous présenter une de ses compositions. Vas-y, Marianne, skid it with the cardinal. Oh yes, j'ai Monsieur Cardinal à ma droite, le seul, unique, l'original. Et puis, c'est le projet Marianne, alors je vous présente une chanson, alors j'apprends. Les choses qu'on échange poliment, les bouts semblants qui étouffent tout ce qu'on a en dents. J'emmerde les mots à couvert qui occultent tout et qui se laissent faire, se faire manger la chair sur le dos, sous l'œil silencieux des badauds. Oh, oh, oh. Assez les plaintes solitaires, autour de toi on vit la même affaire, atterré par la surréalité de tout un monde. De ma minute pour inviter quelqu'un d'exceptionnel qui a un projet extraordinaire qui s'appelle Portrait Montréal, qui est avec de faire son lancement le 20 prochain. C'est tout à l'Éco-Muséum du Fier Monde! Yes, je me suis rappelé de tout. Yeah! On appelle Michael Timer! Oh là là! Oh là là! Quelle introduction! Waouh, j'ai jamais eu droit à une introduction pareille. Merci beaucoup. Je savais pas trop où je venais ce soir, puis on m'a expliqué que je venais faire de la publicité. Puis j'ai quitté le monde de la publicité il y a 3 ans justement parce que j'aimais pas vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Excuse de te donner un micro. Mais ça me fait plaisir, okay. Par exemple d'être ici. Mais je suis un petit peu mal à l'aise parce que vous êtes une gang de malades, man. Vous êtes extraordinaire. Je peux mettre mon poing fermé dans ma bouche. On fait ça chaque lundi ici. Comment tu fais ça? Tu peux lécher ton coude aussi? Non, ça, je peux pas. Là, tu peux pas. Ma langue, est toute petite. Mais moi, je suis très plate à côté de vous. Fait que plutôt que de parler, je vais laisser le monde que j'ai rencontré dans les rues de Montréal vous parler. Ce livre-là qui sort mercredi en librairie, c'est que des gens que j'ai rencontrés au hasard de mes promenades de Montréal, que j'ai laissé parler et j'ai compilé toutes les histoires qu'ils m'ont racontées. Fait que random, là, je vais en prendre. Donc, il y a beaucoup de photos et beaucoup de textes. Il y a beaucoup de photos, puis il y a beaucoup de textes, puis il y a beaucoup d'humains. C'est purement humain. Fait que je vais vous lire. Je vais laisser les gens parler pour moi. J'étais sur un coin de rue. Une madame arrive avec une tasse de café. Pas un gobelet en styrofoam, une vraie tasse à café, du café chaud puis un croissant. Elle me donne ça puis elle me dit, tiens, puis tu garderas la tasse. Il faisait froid. Je me suis dit, allume, réchauffe-toi, fais quelque chose, va à l'intérieur, travaille, fais quelque chose, réchauffe-toi, t'es là puis t'as froid, fais quelque chose. Suite à ça, je me suis trouvé un appartement, j'ai arrêté de boire, je me suis trouvé un emploi. Elle a changé ma vie, cette tasse-là. Oh, c'est cute. Wow, bravo. Merci, Michael. Le 20 mai qui s'en vient à l'Écomusée du Fiermonde, c'est sur Amherst, hein? C'est sur Amherst, c'est ouais. Ça. Puis il y a Marianne dans le livre. C'est pour ça que je suis là ce soir. Oh, ben... Si vous voulez savoir des secrets sur Marianne, c'est là-dedans. Ou suivez-la sur Facebook, Projet Marianne. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Ben oui. Hey, ça nous amène, on va aller, comme à chaque lundi, on va parler avec notre artiste de résidence. Constance, comment ça se passe? Ça va très bien. Je suis T'es en train de faire une sirène dans un bain? Je suis en train de faire une sirène. Là, je ne sais pas si on voit. Oh. C'est ça, dans le fond, je me suis dit, demain, c'est la journée nationale du dessin aux États-Unis. Donc, je me suis dit, on va faire un dessin. Ensuite, je me suis rappelé que le mois de mai est considéré comme le mois des sirènes. C'est le mermaid. Donc, les artistes font des sirènes tous les jours du mois de mai. J'en avais pas fait encore. Mais je me suis dit, j'allais faire une sirène douteuse. Et voilà, en ce moment, c'est elle est très douteuse. Elle a un tram stamp. Et ça, c'est une œuvre qui va être en vente tantôt à Lancan. Les profits vont en entier à ta compagnie, Constance Harvey Publication Limited. Vous pouvez la suivre sur Facebook aussi, Constance Harvey. On est très content de t'avoir avec nous. Merci. Une petite main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Constance. Oui. Et là, on a revu vraiment, Eric, t'es ma découverte ce soir. T'as comme une fascination sans borne pour les oh là là et les merguez. Oh là là, les merguez, hein! C'est vraiment sortable, ça, j'ai l'impression. J'adore. Est-ce les que merguez. T'as une sœur? Tu pourrais me la présenter. Je pense qu'on pourrait se voir à chaque Noël. Oui, j'ai une petite sœur, mais c'est ma petite copine, hein? Là-dessus, on passe au prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Oh là là! Merci Marianne. C'est tout doux. Salut Florence. Allô. Je m'attendais pas à quel point ce soit humide dans ce coin-ci, mais j'aurais dû m'en douter. Ben oui. Après le... Il fait chaud en dedans, hein? Puis les costauds s'assoient dans ce coin-là. Ça suit des costauds, hein? C'est encore plus hot ici, c'est ça que t'es en train de dire? 1+1, des fois, ça fait 11. Et ça, c'est beau. Ouais. Ou ça fait un beau petit code binaire. Ouais, c'est vrai. Let's go, amène-nous dans le monde fabuleux de paillettes. Fait que, comme à ma dernière chronique, j'avais parlé de Vin Diesel, je me suis dit que j'allais remettre ça avec le superbe film The Fate of the Furious. Oh, Chris! Fait que c'est de F8, hein? C'est pas écrit textuellement. Si tu me permets, avant de te lancer, moi, c'est à ma connaissance, c'est une des premières fois de la vie qu'un acteur est contre lui-même dans un lancement de première. Genre, t'es allé voir Triple X 4. Exact. Et la même fin de semaine, c'était le lancement du film que tu nous parles ce soir. Ouais. Et les deux films, Vin Diesel et le personnage alpha principal, sans qui rien ne banderait. Là. Oui, puis il y en a un qui a ramassé plus d'argent que l'autre. Ouais, celui de qui tu vas nous parler présentement. Exactement. Amène-nous Fate of the Furious. Cette affaire-là. Avec un 8, hein? Le fuite, là. Ouais. Ben, j'ai pas vu les 7 premiers, fait que ça augure bien. Puis je suis pas sûre d'avoir tout compris, justement parce que je catch pas tous les personnages. Fait que vous allez avoir ce que j'ai compris. Fait que, en résumé, pour nous montrer qu'il est bon pour faire semblant de conduire sur un fond vert, Vin Diesel va être recruté par une hackeuse qui veut juste être hackeuse pour être edgy. Ah non, ça trend en esti, c'est un site, là. Ouais, des hackers partout depuis 1998, mettons. C'est ça. Notre équipe, Vin Diesel, évidemment, en tant que Dominique Dom Toretto, Michel Rodriguez, qui fait sa meilleure face de quelqu'un qui trouve que tout pue, The Rock, Ludacris, Tyrese Gibson et Jason Statham en tant qu'eux-mêmes, une fille qui joue aussi dans Game of Thrones, Kurt Russell puis Scott Bois de l'Est, fils de Klein Bois de l'Est. Vous ferez la conversion en anglais. On est équipé pour la guerre en Chris, hein? Ouais, Colin, oui, hein? La guerre au bon sens. Donc, voici ce que j'ai appris de ce film. Dire « Mais c'est impossible » fera gagner ton adversaire. Ah, voilà. Pour sauver une auto, il faut faire une course avec et la faire pogner en feu. Le gouvernement américain offre toujours ses jobs en disant « Cette job n'est pas sanctionnée, vous serez donc seul dans cette opération », en espérant qu'aucune question ne sera posée et aucune question ne sera posée. Tenter de séduire Vin Diesel avec un rack à gun ne fonctionne pas. On sait ce qui l'attire pas. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui l'attire. Les Smarties. On apprend. Des merguez. Oh là là là là. Des merguez. Oh là là. Il est costaud, Vin Diesel. Tu peux bencher un banc en pierre pendant 3 levées seulement pour impressionner un co-détenu. 3 levées, hein, seulement, puis là, wow. En prison, dire à ton adversaire que tu veux lui péter la gueule en sang fait ouvrir les portes de sa cellule à lui. Ah oui, oui, oui, oui, tout le temps, tout le temps. Toujours. Les ordinateurs du FBI ne fonctionnent qu'en cinématique. Parler de hacker 3 fois fait apparaître les hackers. Fais-les pas trop souvent, celle-là. Hein? Les dignitaires russes qui se promènent à New York traînent toujours des Gatling. Ben oui. C'est sur le top de la limousine. Ben oui. Puis ils tirent les autres chars. C'est important. Quand vous allez à New York, soyez avisés. Ouais. Qui c'est qui gâche toujours un party organisé par les Russes? Je vous pose la question. Vin Diesel et sa gang. Plus large. Plus large que Vin Diesel, The Rock, puis ça gagne. Encore plus large. Ça n'existe pas plus large que The Rock. Les États-Unis d'Amérique. C'est les USA. Ah, les USA. Come on, Tommy. USA. USA. USA. Les hosties de Russes, ils ont juste ce qu'ils méritent. Ils ont juste à rester dans leur coin puis arrêter de se promener avec des gars. Trop gros pays avec de la neige puis des ours, là, dégueulasse. Maudite neige. Tu peux arrêter des missiles avec la gratte d'une déneigeuse, parlant de neige. Ah, c'est bon à savoir, pas, ça. Moi. Ouais, non, mais tu sais, si vous avez un déneigeur dans votre famille, soyez assurés que les missiles ne peuvent rien contre vous. Les Lamborghini n'ont pas de pneus d'hiver. Fait qu'achetez pas ça, ça vaut pas de la vente. Être roux et méchant va invariablement venir te tuer. Ben, être roux et méchant, je veux dire, c'est un double game, là. Ah, oh, t'es dans marbre. T'as deux fois pas d'âme, là. Ça va pas bien. Les autos ont dû faire de quoi à la gravité, parce que la gravité a une dent contre les autos. Se servir d'un sous-marin nucléaire à la façon Free Willy le fera exploser. Dire à Vin Diesel qu'il doit faire un choix lorsque tu tiens son fils en otage le fera choisir l'option de te péter la gueule. Toujours. Ça, t'as pas appris ça en regardant ce film-là, par contre. Ben, de toute façon, moi, je veux pas me frotter à Vin Diesel. C'est ça. Ni, t'as, genre, t'as juste vu famille. Un exemple de ce qui arrive. Ça vient des juste fois. Confirmer ce c'est que ça, je sais. C'est ça. Faire une course de 15 minutes avec un dude lui apprendra l'humilité, mais lui rendre sa bagnole le rendra loyal jusqu'à la fin du film. Ah, toi, t'as pas vu les 7 premiers, hein? Non, c'est ça. Je dis juste ce que j'ai appris pour celle-là. C'est ça, là, c'est ça. Mettre son char en travers d'une explosion fera arrêter l'explosion. Ben, Bibi, il parle, là, il met sa main de même, puis Geneviève, elle n'entend rien, là. Hein? Florence, elle sait rien de ce qui se passe. Qu'est-ce que la voiture a dit à l'explosion? Elle dit, pas aujourd'hui. Non, ce n'est pas exact. Moi qui ai mangé ces carottes! Mais là, Bibi, c'est ce qui sont mes carottes? Je ne sais pas, d'ailleurs. Je t'ai rendu Bibi. C'est la fin de ce sketch. Scene. J'ai pas été capable de toffer. Le nez était trop gros pour les responsabilités et tout. Là. Donc, mon petit verdict sur ce film, je ne ferai que ce geste en haussant les épaules et en ayant un air déconfit. Je te conseille les 7 premiers. Tu vas faire ça souvent. Merci Florence. Merci beaucoup. Florence Payette, mesdames, messieurs. À quand un Fast and Furious auton au musée? Ah, l'aventure! Et on est rejoint ici par... Ouais, les mêmes les que tout à l'heure. Les mêmes Rémi, que tantôt. On n'a rien de nouveau famille à apprendre. Vous allez nous jouer combien de chansons tantôt? Théoriquement, on en joue 4. Puis si les gens en ont vraiment marre, on en fera 5. Ah, vous avez... yeah! ils se sont préparés un rappel. Et, ouais, c'est ça à peu près. Parce que c'est l'ensemble de mais votre sinon, catalogue. Pour les gens qui voudraient nous voir dans toute notre longueur de merguez... Oh là là là là, pardon. Oh. Oui, je suis celui qui le fait le moins bien. C'était pas très senti. Ouais, non, puis je vous emmerde, c'est pareil. C'est alors, non, je rigole, oh, je plaisante. Oh, oh. Bref, on fera un concert au Mademoiselle le dimanche 11 juin. Voilà, et on jouera à peu près une heure le samedi 8 juillet à cet excellent bar qui est le Bistrot de Paris. Ah, oh là là. Alors, si vous voulez nous suivre, c'est simple, tapez les costauds dans YouTube, vous allez tomber sur des clips de haut niveau. La gangrène est pognée à tous les niveaux. Ah oui, oui, il y a même Bandcamp, tu peux écouter ça. Non, franchement, si t'as envie d'écouter les costauds dans ta bagnole... Je suis super content que vous soyez là! OK, on passe au prochain chroniqueur! Que je les envoie chier pour toi, t'as l'air occupé. S'il te plaît, non. J'étais en train de parler avec Monsieur Angélil. Non, je fais des téléphones épeurants cette semaine, c'est le fun. J'ai dit, Monsieur Angélil, c'est très, très, très épeurant ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et tu te diras à Céline que je l'aime. Je capotais. Hey, Mario Benjamin, là, pis sa toune Hommage aux sinistrés, là. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Un chic type, ce Mario Benjamin. Hey, hein? Il trouve pas que l'inondation en a déjà assez causé des dommages, lui? Oh! On surfe. Non, mais on va descendre ça, cette qualité d'émission-là. Tu peux les envoyer, je pense, leur envoyer un char. Vas-y, vas-y. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? As-tu vu comment ils sont naïfs? Pour les auditeurs, Tommy Godet envoie un gros doigt à tout le monde. Voilà. Mangez-en. J'ai jamais fait Mangez-en. Ça avant. Jamais, jamais. Ah, j'ai pu prendre le pouvoir de Boudreau et envoyer chier tout le monde. C'est capoté. Je t'aime, Mathieu. Let's go. Ça donne certains pouvoirs, 11 ans de BS. Non, mais on vient qu'on s'en crisse tellement. Cette semaine, j'ai partagé une bière avec un clochard. J'ai discuté avec une prostituée qui disait que c'était pas facile d'être pauvre, puis je me suis fait sucer par un vieux qui jouait de la guitare en tabarnak. Mets ça dans l'ordre que tu veux. Non, mais c'est ça. Et c'était une journée tout à fait banale dans l'entrée du métro Guy Concordia de mon cher Montréal. Voilà. Oui, ça m'arrive d'aller me saouler avec le peuple régulièrement. Pour prendre conscience de la misère qui m'entoure. Parce que c'est facile hein, de donner 20$ là, à Médecins sans frontières, Greenpeace, l'UNICEF, ou je sais plus quel patch planétaire, pour que je me donne l'impression que j'aide le monde. Mais à toutes les hosties de coins de rue autour de chez nous, il y a des tout croches, des robineux puis de la souffrance à la tonne. Moi, je le dirai jamais assez. Hein. C'est important de consommer local. Et je me dis, profitons-en. C'est plus achetable, des billets pour le Burkina Faso. Va dans les entrées du métro. Qu'est-ce que tu vas faire en Afrique, brûler notre fric? Ben, tu sauras que t'es pas obligé de faire le tour de la planète pour voir du monde qui n'a pas Internet. Va à Berry rencontrer Nancy. Elle est pas sur Facebook. Hein? Ouh! Régent à Saint-Laurent, aucun iPad. Le gros Simono à Papineau, son cellulaire, il est prêté par son pimp. Non, mais en t'approchant d'eux, tu vas comprendre que ça transperce les murs des blocs en carton qu'on voit partout dans la ville. Ils sont pauvres, le monde. Ils me font rire, moi, les jeunes, avec leur espoir. Hein. Ça t'arrête dans le métro avec leur petit dossard, là. Ils veulent changer le monde, mais tout ce qui change, c'est un chèque de paye. Hey! Wow! Ça veut te faire sauver les enfants pauvres aux Maldives, il y a la moitié des ménages québécois qui arrivent. L'endettement moyen d'une famille québécoise moyenne au mois de janvier 2017 avoisinait le 170%. On a atteint la moyenne générale, Tommy, mais une fois de plus. Avec un 100% de taux. Voilà, voilà. C'est ça. Hein, ça, si tu comprends pas, c'est qu'à chaque fois que tu as gagné 1 $, tu as emprunté 1 $70. Calcule ça comme tu veux. Là. Est-ce que c'est ça, l'économie? C'est ça, Tommy, l'économie. Okay. As-tu économisé cette semaine? Non. Tu serais qu'avant crise de le penser le contraire. L'hiver, hein, t'es rencontres dans les entrées du centre d'achat, dans le métro, mais l'été, c'est sur n'importe quel coin de rue qui se poste pour t'avoir avec leur affaire, eux autres. Et hier, j'étais avec ma blonde. Bon, c'était plus la femme que j'avais enlevée, mais... Pour moi, c'est la même chose, hein, le temps que ça dure, là, ou le temps que je suis dur, je sais pas. Où je vais me rendre avec ça? Moi, je maintiens que c'est important qu'il en parle. Ben, quand je suis en train d'en parler, je suis pas en train de le faire, Tommy. C'est ça. Et voilà. Ouais, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Non, vous sautez juste vos gueules. Sérieux, vous êtes... C'est intolérable, votre affaire. Oh, Papy René, laisse-toi pas faire comme ça. Allez. Non, Mimi, même déjà pas, lui, je sais. Oh là là. En fait, tout a très bien été résumé. On a entendu un très oh là là sincère. On laisse Mathieu parler. Voilà. Vos accents français sont incroyablement réussis, les gars. Bon. Faut le dire. Mais c'est ça, non? J'étais sur le coin de la rue et j'en vois un. Fait que tout de suite, j'ai mis ma victime en garde. Hein. Je lui ai dit, attention, ce monde-là, ils sont pas trop stables. Puis là, j'ai comme serré le bras pour la rapprocher de moi. Et là, j'avais pas dit deux mots qu'il y en a un qui m'a spoté avec son petit dossard, tu sais. Et là, je dis, check bien. Il va essayer de nous attendrir avec des chiffres puis les enfants soldats. Ni une, ni deux. D'emblée, il dit, bonjour, monsieur, savez-vous que 80% des enfants soldats... Tabarnak! J'étais comme, au secours, non merci, inutile d'insister, yo no hablo frances, rétro satana, à la fin, j'étais écœuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai vidé le chargeur de mon gun juste au-dessus de sa tête. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. J'avais un 12 coups. Ouais, hein? Ça a été plutôt long. J'ai vidé mon gun au-dessus de sa tête pour y faire saisir que oui, je le sais que ça va pas bien dans le monde. Trois quarts de la planète crève de faim, c'est la guerre partout. Puis on pense juste à la prochaine saison de La Voix du Canadien de mon cul. Je le sais! Yeah! Je le sais que ça va pas bien, on s'occupe plus de nos vieux, ils sont en train de vider les océans, puis on trouve-tu ça plate qu'Occupation Double soit finie? On a un problème planétaire, oui! On trouve-tu ça plate, hein? D'accord, la planète, elle est dans la marde. La seule chose que je demande, c'est on peut-tu commencer à nettoyer la marde chez nous en premier? Yeah! Yeah! Chez nous. Non, mais c'est vrai, moi, le gars en train d'enlever une femme. J'ai l'impression que si on réglait nos problèmes chez nous, on pourrait peut-être penser à aller leur montrer comment régler les problèmes ailleurs. Tu sais, comme Mélanie Joly, mettons, là. Non, mais... Elle a promis... Pour l'instant, c'est un problème canadien, mais qui sait? Ça deviendra peut-être international. Mettons 23 000 piastres de Snapchat, là. C'est facile à régler, tu sais, tu le fais une fois dans le coin, puis tu sais, comme... En tout cas. 23 000 piastres de Snapchat, mais 13 700 pour un seul filtre du centième de la LNH. Là, je me disais, LNH, Snapchat, elle connaît bien son canadien. C'est quand même plate, pareil, 23 000 piastres. Moi, je fais même pas ça dans une année, 23 000 piastres. Elle peut bien manger de la marde, Mélanie Jolie. Va chier! Bon. Mais tu sais qu'elle a juré ne jamais quitter la politique municipale. Ben oui. Ben oui. Deux semaines après, elle faisait... Non. Elle a juré jamais elle va quitter la politique jamais. Municipale. Elle est encore là. Ben c'est ça. C'est elle ça l'affaire. C'est qu'elle fait encore de la politique municipale elle se présente à Ottawa. Pas, mais elle est là. Hein? J'aimerais ça qu'on n'en parle plus. C'est fini. D'ailleurs, j'allais dire, là, c'est écrit sur ma feuille, en terminant. C'est quoi la différence entre l'ignorance et la méchanceté pure? Éric Duhaime. C'est bon, hein? C'est que... Éric! Oh, ah non, mais en humour, on appelle ce procédé humoristique-là la méchanceté gratuite, hein? ou une blague à la manière de Mike Ward. Bon, je termine avec ça. Pour ceux que ça intéresse, là, j'ai pas tué la jeune fille que j'ai enlevée. Je ne tue jamais le premier soir. Oh là là! Merci, Mathieu Boudreau! Oh là là là là! Oh, ça nous amène à notre dernier chroniqueur tout de suite, s'il vous plaît. Oh, Mathieu Boudreau! Allez, viens ici, mon petit framboisier. Let's go, on passe au prochain tout de suite. Yeah! Ça y va. C'est Richard Zatirois, en fait, qui se lève, qui s'en vient. Richard Zed, Richard Zed, il est heureux et comme on l'aime. Richard Zed, Richard Zed, il est là. Bonsoir, c'était pas prévu du tout que je sois ici parce que je voulais voir les costauds en spectacle. Comme d'autres, il y a quand même plusieurs personnes qui sont là pour ça, je pense. Hein? C'est comme la malédiction d'avoir un band avec plein de monde. T'as plus de membres de la famille qui n'ont pas le choix d'y aller. Exact. Non, mais c'est parce que ça me rappelle, quand je viens ici, c'est la troisième fois sur scène. Ah, t'es chez toi, Richard. Non, mais je suis chez moi, mais ça me rappelle un bad trip de mescaline à chaque fois. Parce que... Non, mais c'est vrai, quand je suis ici, je comprends pas. Je comprends jamais ce qui se passe. Ailleurs, tout le temps, je comprends ce qui se passe. Ici, je comprends jamais ce qui se passe. Je sais pas si la personne qui est en avant... C'est comme si... Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. C'est comme les costauds, je sais pas s'ils sont vrais ou pas vrais. Je sais pas, c'est-tu... Il est tellement heureux, là. C'est-tu un vrai groupe? Tu peux me toucher, là. C'est vrai. Oui, il existe. Non, c'est parce que... Faudrait arrêter de filmer parce que j'ai Ségolène 3 ans. Ségolène Royal les aime pas. Avec, Je sais pas si on peut arrêter de filmer parce que j'ai deux ados à la maison. Non, c'est parce que à l'âge de 16 ans, j'ai pris de la mescaline. Est-ce que quelqu'un a déjà pris cette cochonnerie-là? Oh là là! Et puis, j'ai fait un bad trip de mescaline à l'âge de 16 ans. Puis on était dans le sous-sol. Ben oui, tu m'en parles à toutes les fois que tu viens ici. Non, mais c'est parce que... Parce qu'à chaque fois que je viens ici, c'est la seule fois où je me rappelle de mon bad trip de mescaline. Je me suis rappelé de ça 3 fois dans ma vie, de mon bad trip de mescaline. C'est toujours quand je viens. Je suis content que tu m'associes. Ça fait un comeback. Mais on était dans le sous-sol d'un de chez mes amis, qui s'appelle Michel Lavallée. Je voulais pas dire son nom, parce que son nom, qui est un gros pusher qui s'est fait assassiner. Puis, Fait que là, on a pris ça, OK? Et là, on est dans son sous-sol, au début de la soirée. Puis là, on regarde la télé. On est vraiment 5-6 complètement gelés. On était à peu près comme les costauds. On était à 5. Et puis, son père... ouvre la porte de la chambre du sous-sol. Oui, mais là, il nous demande « Qu'est-ce que vous faites? » Fait qu'on dit « On écoute la télé. » Mais la télé était fermée. Ah! Et ça faisait comme une coupe d'heure. Qu'on regardait la TV fermée. Oui. Puis là, le lien avec les costauds, c'est que il y avait à la télé de Radio-Canada, il y avait un film avec Fernandel ou Marcel Pagnol. Très accent, c'est ça. Et là, le film commence... C'était Ciné-Club dans le temps, dimanche soir. Et là, le film commence, et on est devant la télé, puis là, c'est écrit « fin ». Parce que quand tu prends de la mescaline, le temps n'existe plus. Ouais. Tu le sais? Ben oui, j'étais là. Tu dis « ouais ». Fait qu'une heure, une seconde, 3 heures, 4 jours, c'est pareil. D'où mon anecdote sur... J'ai joué mes meilleurs games de Smash Bros. Là-dessus. Sur la mescaline? Ah oui, ah oui. Hey, non, arrêtez de filmer. Non, c'est parce que j'ai un gars de 17 chez nous. Puis une on fille le de 15, salue, on le salue. Je leur ai dit que j'avais jamais pris de drogue. Non, mais la semaine passée, mon gars, as-tu déjà fumé du pot, pas? Ben non, voyons. Mais non! Jamais de la vie. Puis on sait que le pot, ça mène à la mescaline, puis ça mène ben au oui, sel de bain, puis à l'Auto-Canada. Exact. Exactement. Puis c'est pour ça que j'étais ici voir les costauds, parce que ça me replonge dans une époque. Si tu me permets, Richard, il y a deux affaires que je veux mettre au clair. Là. Le 29, toi et les justiciers masqués, vous allez être VJ ici. Oui, on va être ici. Le... Oh, shit! Et comme la dernière fois qu'il est venu, je l'ai chatouillé, la prochaine fois, on va danser un slow. OK. J'ai une très belle surprise, ça va être magnifique. Oui. Et sinon, on lance... moi, je veux vraiment... Combien de likes pour que tu laisses ta moustache repousser? Oui, oui. Non, mais c'est parce que... Ce que j'ai sur la tête, c'est mes vrais cheveux. J'ai pas de teinture, OK? C'est mes vrais cheveux. C'est ça, regarde, mais quand ma moustache pousse et ma barbe, c'est blanc. C'est blanc, c'est pas intéressant. Qui tu veux cruiser, là? Okay. Non, non, je te dis que même si je me fais pousser la moustache, c'est blanc. Ça n'a aucun intérêt. Richard, ça, si, je peux te donner un indicatif, là, il y a un gars sur Twitter cette semaine qui a demandé à Wendy's combien de retweets ça lui prenait pour avoir des ailes de poulet gratis pendant un an. Wendy's a dit 18 millions. Il y en a eu 18 millions. Il y en a eu 3,9 millions. Ça a battu le record de retweet d'Ellen DeGeneres. Fait qu'il y a eu ses ailes de poulet gratuites. Fait que juste, ça donne des chiffres comme ça. 10 000 likes, tu laisses pousser ta moustache. Ben t'arrêtes de nous parler de ta teinture et de la couleur. Ça on veut juste revivre des beaux moments, nous autres. Je suis pas sûr que ça va être intéressant. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est nous autres qui décident. C'est comme quand ta blonde a dit « Me fais-tu bien le costume de bain? » Puis « Oui, t'es belle. » Tu regardes, c'est toi la blonde, là. Aïe, aïe, OK. Rapidement, c'est un spécial hockey, c'est ça, ce soir? Ce soir, oui, on a Eric. OK, ouais. Ben c'est ça, j'ai joué au hockey sérieux. Oh! Oui, de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Je pense que je n'ai pas compris le principe. Mais j'ai arrêté à 16 ans quand j'ai découvert les filles et la mescaline. Il faudrait arrêter de filmer, s'il vous plaît. Puis... Et j'ai pas compris le principe parce que vraiment, là, sérieusement, j'étais Pee-wee 2A. C'est fort, Pee-wee 2A. Ben ouais, t'es rendu bon, là. Mais, à Matane, en plus. Oui, oui, ben à Matane. Ben oui. Puis là, Bantam, j'ai pas compris parce que j'étais rendu Bantam B. Puis ouais. Midget C. Parce que c'était... Je pensais que c'était ABC, mais c'était ABC. Puis ma carrière s'est terminée à l'âge de 16 ans. Ta carrière est l'ABC. Oh! Oh là là! Ça me rappelle une entrevue que j'avais faite avec Guy Mongrain, le roi des jeux de mots à TV. Tommy. Je voudrais saluer Constance. Bonjour, Constance. Bonjour. Constance! Constance, il y a quelques années, il y a deux ans et demi, Constance a fait le dessin sur le T-shirt de Rock et Belles Oreilles qui était en vente au Centre Bell puis à Vidéotron. C'était extraordinaire. Simple, mais efficace. Bravo, Constance. Constance Harvey sur Facebook. Très beau chandail, juste avec des ombrages noirs sur fond bleu, c'était magnifique. Puis Jocelyn Therrien, tu es encore ici, Jocelyn? Jocelyn qui a fait la musique de Arrête de boire, de Sarah en rap, de Bonjour la police pour Rock et Belles Oreilles. Et de la toune de douteux aussi qu'on a faite dernièrement. Juste pour dire qu'avec Jocelyn, dans ces années-là, on a fumé beaucoup de drogue. On avait été voir le film... Comme quand t'as dit à ton fils que t'en avais jamais fumé, non, mais à l'envers, genre. S'il me dit qu'il écoute ça ce soir, je vais dire, ben je niaisais, c'est pour le spectacle. Ah, mais c'est bon! Avec Jocelyn, on avait été voir le film Naked Gun, oh, L'agent fait bon, la farce, et on avait fumé avec... je peux pas dire avec qui, Pierre Brassard, par exemple. Puis avant de à l'époque de Sans Limite, puis on avait fumé avant le film... Mais on riait dans la salle avant que le film commence. Ce qui est complètement ridicule. Tu vas voir un film drôle, Naked Gun, il y avait des bons gags. Mais quand tu beaucoup, ris avant que ça commence, juste le générique, tu sais, on était morts de rire. Ça fait... Ben, le générique était très drôle. Là. Oui, ben, parce que le taux de police qui monte les masques, qui rentre dans la maison. C'est niaiseux, ça. Puis c'est basé, en plus, sur une télésérie. Ils ont fait 6 épisodes avant. Top Secret. Ouais. Exactement. Ah ouais, où l'artiste invité mourait dans les 15 premières secondes. Il y avait des gros noms. Tout à... Admettons, je sais pas, exemple. Dans pas le générique, il mourait. Il Tom Cruise ouvre la porte au début du 30 minutes, puis il meurt. Puis on le voit plus. Et la joke à la fin aussi, que tout le monde, les personnages principaux, arrêtaient de bouger. Puis là, ben, le bandit, il faisait ben, « Pourquoi tout le monde est paralysé? » Fait que là, il se levait, puis il se sauvait. C'était vraiment sans dessin. Fait que t'as-tu fini tes affaires? On se repart dans deux semaines. Ben, là, juste vous dire, c'est ça, rapidement... Parce que j'ai accepté quelque chose que je regrette déjà, c'est que... Ta moustache va repousser à 10 000 likes. Ça, c'est... Oui, je regrette. Non, mais c'est que j'ai accepté de faire quelque chose au ZooFest. Oh! Oh! Non, applaudissez attendez, pas parce que attendez. Ça me tente plus de le faire, pas en tout. Le 17 ou 16 ou 17 juillet ou 17-18 au Catacombe, un soir pendant une heure, pendant le ZooFest. Je travaille avec des amis, puis d'ailleurs, les pile-poils qui ne sont pas ici ce soir. Oh! C'est qui les pile-poils? On est sur une application qui s'appelle Comments, C-O-M-M-E-N-T-T-S, qui est gratuite sur iPhone, Android. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'annonce. C'est une application qui ne sert absolument à rien. Je dirais même qu'il ne sert crissement à rien. Ça, on aime ça ici. Il n'y a pas d'argent là-dedans, il n'y a pas de pub, il n'y a pas. Puis ce que ça permet, cette application-là, Comments, vous avez des titres toujours vrais sur l'actualité, toujours vrai du Devoir, de la presse, le Journal de Montréal. Tous les titres de nouvelles sont vrais. Si vous cliquez sur le titre, vous avez la vraie nouvelle. Et vous sortez juste une photo sur le web ou de votre bibliothèque et un commentaire en 3, 4 ou 5 mots. Ça vous permet de commenter l'actualité. Avec des têtes d'affiches, d'articles. Ben, l'article est vrai. Ouais. Disons, je sais pas, Donald Trump, Coderre. Tu vas te chercher une photo sur le web, tu mets 3, 4, 5 mots. Et c'est très rigolo, ça sert vraiment à rien. Puis on va faire un show d'une heure là-dessus au ZooFest. Puis on va le tester dans 2 semaines. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de monde sous et drogué, mais... Non, je niaisais. Mais ça serait le fun si vous voulez l'essayer dans 2 semaines. On va faire un test sur écran. Je ne sais pas comment ça marche, passer d'un téléphone ou d'un portable à un écran. On verra ça dans le futur. Oh oui, mais check bien si on arrive et ça ne marche pas. Ben là, on va se parler. Alors, pas sur scène avant. Je le répète, ça s'appelle Comments, C-O-M-M-E-N-T-T-S. On voulait appeler ça C-M-T-Z pour Comments. On voulait appeler ça Commentaire. Finalement, regarde. C'est ça. Tu me regardes tellement découragé. Ben non, faut pas en doute. J'imagine la moustache. Et dans les... Et dans les très rigolos sur l'application en ce moment, il y a les pile-poils qui ne sont pas ici ce soir. Non, on ne connaît pas les pile-poils. Alors, ce serait le fun que vous soyez ici tous dans 2 semaines. Excellent. C'est tout. On devrait. Merci. Richard, avant que tu t'en ailles, j'aimerais que tu dises merci beaucoup à Alexandre Larocque. C'est qui Alexandre Larocque? C'est lui, là. Ah, ben oui, il faut que j'y parle parce que je veux savoir comment on fait pour que ça soit sur l'écran. Non, non, faut que tu dises merci beaucoup à Alexandre Larocque. T'as pas tout filmé pour vrai. Il l'a pas dit encore. Si, je vais dire à mes enfants. Ah, c'est ça. Dis merci à Alexandre Larocque. Merci à Alexandre Larocque. Ah, je veux juste une dernière affaire. Ah, une dernière affaire! Juste une dernière affaire qui est émotive, là, qui me touche beaucoup, là, c'est que j'ai un garçon de 27 ans qui fait des documentaires. Puis il est parti suivre des réfugiés syriens de la Syrie au Liban, à la Grèce, à l'Allemagne pendant plusieurs semaines. Il est supposé de revenir demain. Alors, il y a un documentaire qui va se faire avec 3 de ses amis qui va être diffusé dans les prochains mois. Ça veut-tu dire qu'on va avoir un mini Sirois d'invité dans un moment donné? Ah, ben, j'aimerais ça qu'il vienne le 29. Ah, ça va arriver. Ça okay. va arriver. C'est tout. Merci. Merci. Richard de Sirois, mesdames, messieurs. Et on continue, Marianne, s'il te plaît, vers notre dernier chroniqueur de la soirée. Avant de laisser le champ libre à nos amis les costauds, vous pouvez commencer à aller vous placer. Manu, te remplacer. Bruno Corbin comme un champion. Manu, Manu, on t'aime tellement que ce n'est pas disable. Manu. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci, Marianne, de toute beauté. Alors, on termine en nouvelle. Une dame du comté de Floyd, en Géorgie, a été reconnue coupable du vol de biscuits de Jeannette, hein, les fameuses Girl Scouts, d'une valeur de plus de 15 000 $ US. Léa Anne Vick, 26 ans, la chef d'une troupe de Jeannette, a ramassé des biscuits pour les revendre dans son chapitre, mais n'a jamais remboursé ceux-ci une fois vendus, ce qui est la procédure habituelle. Il semble que Vic n'ait jamais même rapporté les biscuits à sa troupe pour les revendre. Elle s'est donc bien sauvée avec les biscuits et non pas l'argent des biscuits. On est toujours à la recherche de Vic et des biscuits. Selon mes sources, très fiables, elle aurait disparu dans la nuit en criant « Me love cookies! Oh! » Un vol de biscuits qualifié, c'est de toute beauté. Let's go next! Les forces de l'ordre de Portland, en Oregon, ont récemment arrêté un homme pour grossière indécence. Les policiers répondaient à l'appel du 911 après que de nombreux témoins avaient vu un homme se masturbant vigoureusement en public. Dans un élan d'honnêteté, lorsque questionné sur les raisons de son acte, Terry Lee Andreasen aurait déclaré aux policiers, et ici là, je traduis et paraphrase bien sûr, « Je suis sur le Crystal Meth et j'emmerde Portland. » C'est donc bien hot, cette Portland le faisait tellement chier qu'il avait besoin de... personnel à la ville. Ça me fait penser au héros de Paul Newman dans Luc la main froide. Ouais. Next. J'ai gardé cette nouvelle pour la fin puisqu'il en va de notre sécurité à tous. Ceci est un message d'intérêt public concernant ce danger qui est l'avocat. Oui, oui. Reconnu pour son bon goût et ses nombreuses valeurs nutritives, l'avocat qui mûrit doucement sur votre comptoir est peut-être un désastre en devenir. En effet, Tommy, au Royaume-Uni, les médecins et chirurgiens s'alarment du niveau de plus en plus élevé de blessures reliées aux fruits verdâtres et à sa préparation. Le nombre de lacérations aux mains dues à un maniement de couteau déficient lors de l'ouverture d'un avocat serait si élevé et commun que les travailleurs de la santé y réfèrent avec l'expression « avocado hand » ou « main d'avocat ». Hein? À ne pas confondre avec une gueule d'avocat, c'est autre chose. Les urgences de Londres se préparent même le samedi après-midi pour une vague post-brunch d'avocado hands. Un chirurgien de Chelsea rapporte devoir suturer une moyenne de 4 mains d'avocat par semaine. On demande aux autorités responsables d'étiqueter les avocats avec un mode d'emploi pour leur préparation et réduire ce fléau qui fait rage dans les cuisines. Alors, pour vous ce soir, je vais vous montrer la méthode préconisée pour la consommation sécuritaire d'un avocat. Là, je ne l'ai pas répété, fait que je vais essayer de ne pas me blesser. Si je me blesse, ben ça sera juste un pensez-y bien. Tiens, je vais te tenir ton micro pendant que tu travailles à main libre. Alors, à l'aide d'un couteau, hein, vous placez tout d'abord l'avocat sur la table. Et vous mettez votre main à plat dessus, comme ça. Et vous allez couper l'avocat horizontalement, comme ça, en faisant pivoter l'avocat, hein, pour faire deux moitiés. Si tu me permets, Emmanuel, la main qui avait le couteau n'a absolument pas bougé dans ton expérience. C'est le concept. Okay. Alors, vous avez deux moitiés, hein? C'est pas fini! Il y a encore des mains d'avocats qui peuvent arriver, là! Là, vous pensez que vous vous en êtes tiré, là? Non. Le plus dur est à venir, hein? Faut retirer le noyau. Alors, le truc, c'est de prendre une serviette. Là, ici, je vais prendre la nappe, ici. Hein? Et de planter le couteau dans le noyau et pivoter pour retirer. C'est tellement bien exécuté! C'est donc bien hot, ton affaire! Ben oui! Mes mains sont intactes. Oui. J'ai un avocat. Après ça, vous pouvez le préparer comme vous voulez, faire une guacamole délicieuse ou ce que vous voudrez. C'est plein d'oméga 3. Ou le gardez ça dans votre petit poche derrière. De toute beauté. Toi, t'aimes ça, les légumes. Joue une dernière tourne, puis on s'en va rejoindre les amis costauds. Merci beaucoup à Marianne, Constance, l'équipe technique. Merci infiniment aux chroniqueurs, Emmanuel, de toute beauté. JF Cardinal, merci. Les costauds, on vous revient dans pas longtemps. Richard Zetirois, t'es taquin. Marcher et que pour sauver le monde, il faut s'aimer. poser, les papillons s'y poser. Je me dis qu'on a beaucoup, beaucoup trop de choses dans la tête, qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut pas changer. Que le secret des gens heureux, c'est juste de faire de leur mieux. Si tu n'aimes pas la ville à droite, regardons à gauche. Oh, dis-toi que la vie est belle, que mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ben regardons à gauche. Oh, oh, dis-toi que la vie est belle, que mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés, d'en profiter. Oh, bah oui. Projet Marianne, nous sommes en show le 4 juin au Balatou! Yeah! Venez nous voir, on sera heureux. En attendant, vous êtes ici au Brouhaha à regarder 70%. Monsieur Cardinal, gardez votre basse parce qu'on va faire le thème. Je viens de surprendre un bassiste, c'est toujours drôle. Ah non! Eh non! C'est bon? C'est bon? 2, 3, 4! De partager les questions insondées et de fonder ce qui doit se fêter. Douteux.org et 70% et toujours tous ces dents. Douteux.org. Puis on fait juste brancher les affaires pour que les costauds soient à l'aise de nous offrir le meilleur des malaises. Ouais. Voilà. Merci Marianne. Merci à tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Est-ce que vous connaissez Bioman? Alors on va faire Bioman! Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Les forces du mal, du vide sidéral. Bioman, Bioman. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux héros. Bioman, Bioman, héros de l'univers. Merci. Oh là là là là. Oh là là. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là là. Oh là là. Oh. Est-ce que vous aimez les jeunes filles? Est-ce que les gens aiment les jeunes filles? Lui, il aime les jeunes filles. Ah oui. Moi, j'aime les jeunes filles. Hein. Oui, on aime les filles. On aime tous les filles. Alors, les garçons, est-ce que vous êtes prêts à jouer? Moi, j'aime les filles. Ah oui. Première, une chanson du premier album des Musclés. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là là! Allez mon petit René, allez René! Allez tout le monde, tapez des mains, tapez des mains, allez-y, ouais! Vous aimez ça, les mecs? vous aimez les muscles? Est-ce que vous aimez les costauds? Est-ce que vous aimez Musclor? Oh là là! Iman! Beaucoup d'émotions. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à passer aux choses sérieuses? Est-ce que vous aimez la merguez? Oh là là là là là là là! J'ai perdu dans ma bouche! Oh! Alors, on a parlé de merguez, on a parlé de party, on va faire la merguez party! Et voilà! C'est la partie. Le grand-père, ça fait du bien, mais ça donne des petits points. Voilà le grand moment enfin. C'est la merguez, merguez partie. Souviens ma fête, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit. Viens faire la fête toute la nuit. Merci les amis. Et les filles qui ont commencé les premières à danser, on ne pouvait pas les laisser tomber. Ils avaient commencé à faire tout petit peu frais. On les a vite réchauffés. C'est la merguez, merguez partie. Tant qu'à ta dresse, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit. Viens faire la fête toute la nuit. Reste à Allez les amis, on a dansé jusqu'au matin, on s'est bien amusé. Y a même des filles qui nous ont embrassés. Il paraît même que la bébé est allée se coucher. Grand René! C'est René, la mémé, René! Allez, tout le monde ensemble! C'est la merguez, merguez partie, t'en gardes la brèche, c'est pas fini, mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête, toute la nuit. Oh les copains, c'était oh très bien ça. Oh là là, oh là là là là. C'est la première fois qu'on poussait la chansonnette hein, avec vous hein. Alors normalement ça se terminerait ainsi. Oh là là là là là. On n'a pas le choix d'en faire une autre là les copains. Oh là là, une autre. On n'a pas le choix. Eh hey, pour arrêter cette foule en liesse, il faudrait des chevaliers mais pas n'importe lesquels. Les chevaliers du Zodiac. Ouais. Est-ce que tout le monde est prêt? Et toi, Eric, est-ce que t'as des saucissons dans ta bouche? Oh, tout plein de petites saucissons dans ma bouche, hein? Mioum, mioum, mioum, mioum, mioum. Oh, j'adore les chevaliers du Zodiac. Eh ouais, c'est, le ah, c'est ma chanson. Ah ouais, c'est ma chanson. C'est toi qui l'as composée. Et mec. Voilà. Mais qu'en dit Valérian de cette chanson? Oh là là là là là là là. C'est comme le petit extraterrestre bien foutu, hein? Oh là là là là. Allez, on débute ça, les mecs. C'est lorsque vous êtes prêts. Ouais, bah faut, hein. Les quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un idéal. Les chevaliers du Zodiac sont à l'attaque, en chantant une. Merci les copains, hein? Oh, merci, merci, Montréal! Et vive la France! Oh, hein? Vive la France! On se revoit le 11 juin au bar Mademoiselle! Oh là là, les petites demoiselles, hein? Les copains! Les copains, est-ce qu'on est généreux ou est-ce qu'on n'a plus le temps? Oh merde! On a le droit, on va donner le choix. Ça va peut-être sonner la merde, mais on va s'essayer. Est-ce qu'on fait la fête au village? On vous donne le choix. Dragon Ball Z ou on fait le nez de Dorothée? Le nez de Dorothée. Le nez de Dorothée. Qui veut avoir... Attendez. Qui veut la fête au village? Qui veut le nez de Dorothée? Qui veut Dragon Ball Z? Wow, attendez une petite minute, attendez une petite minute là, on va aller chercher les Dragon Ball Z. Hey Rémi, tu sais que c'est ta petite compagne hein, qui chante de Dragon Ball Z, Ariane, hein, toi et Ariane, hein. Oui. Et voilà. Mais c'était avant la merguez partie. Oh là là. Moi je crois qu'on est prêt pour Dragon Ball. Est-ce qu'on... Dragon Ball Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z. Richard Z. Z. Oh là là! Ça va pas bien, mon Cheyenne, trouver mon son là, parce que ce n'est pas encore choisi officiellement. Moi ouais, je crois que c'est ça, mon petit framboisier. On est capable de jouer une vingtaine de chansons. Alright! Alors, allez! Je vous fais confiance pour les voix aussi pour m'accompagner. D'accord! Oh là là. Alors, on est prêts? Dragon Ball Z! Dragon Ball Z, le gentil sans Gohan. Dragon Ball Z, Z, Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, Z, Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, Z, Z, la force et le savoir. Son père est un héros. Le grand levain, oh, Sangoku, oh, oh! Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Oh, oh! Dragon Ball Z, Z, Z, notre héros au grand cœur. Allez, tout le monde, chantez avec nous! Dragon Ball Z, Z, Z, sera toujours vainqueur. Dragon Ball Z, Z, Z, il fera triompher. Z, Z, Z, l'amour et l'amitié. Il n'a jamais peur de rien, il craint aucun adversaire. Il est rusé et malin, c'est l'homme le plus fort de la terre. Oh, flague! Dragon Ball Z, Z, Z, héros au cœur vaillant. Dragon Ball Z, Z, Z, valeur de combattant. Et voilà, Dragon Ball Z. Oh là là là là. On n'avait même pas pratiqué celle-là. On n'a même pas, on n'a pas joué depuis des mois. Alors c'était ça, le spectacle des costauds. Et voilà. Merci, vous êtes indulgents, à bientôt. Mesdames et messieurs, les costauds, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, ça, c'est spécial à dire, ça conclut la première partie de notre soirée. Et d'ailleurs, on va faire un extra. Ce lundi, on va passer la quête. On appelle pas ça de même. Si vous avez du change en trop, ce soir, parce qu'il y a vraiment bûché toute la journée, 102% de tous les bénéfices iront à l'excellent Alexandre Larocque, qui est notre technicien, qui... C'est ça, on veut qu'ils se sentent appréciés, donc je montre l'exemple en mettant 3$ dans la caisse que la plantureuse Mathieu Boudreau va passer à partir de maintenant. Ce qui me fait dire, Éric, va-t'en à ta place, c'est le temps. T'es au moins 2 tonnes en retard, c'est ça. Il paraît... Non, en fait... Je pense que je vais juste baisser l'écran et laisser notre technicien Olivier Godette mettre la chanson de circonstance que je lui ai demandé de sélectionner pour nous aider à gagner du temps. Il y a plein de monde que je suis très content de voir dans la salle. Salut Christian Moret, salut Vic. Fait longtemps qu'on t'a pas vu, c'est tout un plaisir. Gaël, il y a plein de monde sympathique. Vous autres, je vous connais moins, il y a un certain beau Jim là-bas. Là. Constance, on va vendre ton tableau tantôt. Richard Z, mon bon chum, on va danser un slow bientôt. Marc-André Otis, Jesse, Maxime, sans toi, la vie ne serait pas la même. Puis imagine, t'es assis juste en avant de Mathieu qui est assis juste en avant de Damien. Je vis un rêve, sauf que je suis sous. Je pense que là-dessus, on peut passer au reste. Let's go, Olivier Godette, mets ton clip préféré. Dragon Ball Z, Z, tabarnak, live. Z, Z, Z. J'étais vraiment pris par le drame incroyable de la chanson Papapa avec les Canadiens. Hey, sérieusement, merci beaucoup, Éric Bélanger, 7 de VJ, ben oui. Pas de joke, c'est sa deuxième fois. C'est un des gars les plus stressés à qui je parle quand je fais mes lundis ici à soir. Mais il a gaulé à soir, Eric. Ce n'est pas qu'une métaphore. Si t'étais pas matché, tu gagnerais en street cred. Ah, peut-être que tu peux gagner. Pareil, il y a un paquet de saucisses ici. C'est encore très scellé. En fait, rapidement, j'ai deux lots à l'encan. Ensuite, je vous parle du long-métrage avec Jean-Claude Van Damme et ensuite, on se lance dans... je sais pas, je vais sûrement être vraiment sous pis désagréable. Donc, c'est le paquet de merguez qui a été tripoté par tous les costauds. C'est le genre d'affaire que tu laisses sur ta galerie, ça devient une œuvre à un moment donné. Qui veut un paquet de saucisses? On vient de se faire malariser de ce que j'ai entendu dire. Donc, c'est bon, on part à Saint-Saëns. Ah, pour vrai, on va faire ça, là. Il dit merci. OK, on passe à l'autre. on va se le dire. Je suis vraiment pas le meilleur pour faire l'encan parce que j'ai... Je suis souvent comme à ramener des cossins que je garde pas pour la collection permanente du musée. Fait que c'est des gens qui m'amènent des affaires, puis là, je les amène ici. Fait que moi, de développer de la passion pour ça, c'est un petit peu moins facile que pour développer de la passion pour un dessin qui a été fait live pendant le 70% ce soir, que la salle était pleine à 18h. Mathieu Boudreau est arrivé, puis la foule a suivi. Coïncidence? Je ne crois pas. Ça ici, c'est un dessin qui a été fait par Constance Harvey. La mise commence à 25$. C'est une sirène, elle fume des excellentes cigarettes par choix. Puis tu vois, elle a gardé des petits coins blancs pour rajouter ce que tu veux. Là. Si tu veux un dessin avec Lorena Bobbitt. Ah non, c'est la femme de Roger Rabbit. C'est pas... C'est pas Loretta, ouais, c'est vrai. Hein? Mais moi, je pensais à grande oreille, genre, tu sais, je faisais des liens dans ma tête. C'est une meilleure joke que tu penses. J'ai un dessin, ça commence à 25$. Moi, je mets 25$. Fait que t'as plus à te sentir mal de rajouter. En fait, je suis pas objectif, je le trouve vraiment hot, là. Fait que, y a-tu quelqu'un qui veut acheter? Ah, oui! Je suis pas bon vendeur. Hein? Mais j'ai un gros pénis. Oh. 27$. 30$ une fois. 30$ deux fois. Merci, Constance. Constance Harvey, allez voir ça sur la Facebook. Fais-moi plaisir dans les contos qui restent. Je te dois 30$. Ah, oh, tu peux le garder. Ramène-le chez toi. Je veux que ton inspiration éjacule de ta tête sur la toile que tu vas me... Je monte ça à 35$. Fais-moi plaisir. Décalisse. Ça travaille demain. Elle avait hâte de s'en aller. Là. C'est ça. 40$. OK, si tu t'en vas pas là, c'est fini. Là. C'est vraiment le pire encanteur de toute la vie. Là. OK, je te donne 50 puis tu me le mets dans un cadre. C'est bon. Ça s'en vient vers 60. Là. Ah, ouais, c'est assez. Il faut que je parle du film. Il faut qu'on... Hey, je suis vraiment pas bon. Ça n'a pas de sens. On va... Exposition! Non, en fait, on va regarder quelque chose qui est le chant du cygne de la carrière straight to cinéma de Jean-Claude Van Damme. C'était aussi assez impressionnant comme tentative parce que le Mellon Arena, qui était comme disponible pour la dernière saison, il y a comme un geek de hockey. C'est vraiment triste, man. Le Mellon Arena, c'était sa dernière année, fait que là, le cinéma d'Hollywood l'a acheté pour le faire exploser de manière contrôlée, avec un minimum de green screen et un maximum de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, en fait, le bout le plus drôle du film, c'est quand que le méchant explique le film à Jean-Claude et que l'aréna va exploser dès que le match va finir. Mais Jean-Claude, parce qu'il se déguise en goaler, il va goaler pour arrêter l'échappée d'un joueur X. On amène le match en prolongation et ça ne faisait pas partie du plan du méchant. Et quand tu y penses, c'est comme cave et cool en même temps. Un petit peu comme les costauds, tu sais. Pas de joke. Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. On va commencer la troisième partie dans pas longtemps. On est là lundi prochain encore. Vous pouvez voter pour le long métrage. En fait, on va fêter les 9 ans de douteux.org. C'est capoté, hein? Il y a personne qui fait du cash là-dedans et on a toffé deux fois plus longtemps que la moyenne des PME du Québec. Ça veut dire, ferme ta gueule, fais ton chiffre de télé, machin, là. Hein? Tu sais que je garde mes œufs juste pour toi. Donc, à partir de maintenant, je ferme ma gueule, c'est ça. Merci tout le monde, merci d'être là. On écoute Jean-Claude Van Damme. Il va se déguiser en mascotte puis en goaler. Quoi?